J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oye, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Bonjour! Oui, bonsoir! Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le numéro 14. C'est le Attends, je vérifie dans mes notes. Je fais une petite musique d'attente en attendant. Ça fait les blagues, machin. C'est le 14. C'est le 14, exactement. Un nouveau numéro un peu particulier, puisqu'on a un petit comité. Bah oui, écoute, on n'est pas obligé d'être toujours des milliards. Et un épisode un peu particulier, parce que c'est aussi le retour de l'enfant prodige. Il s'intitule, vous le connaissez, Adrien Méniel. Oh là là, je croyais qu'il parlait de Pierre. Mais non, c'est toi. C'était toi. Oh là là, je suis là. Bah, ça faisait une éternité. Je peux pas être toujours sur les routes, quoi. Faut que je revienne un peu. Il va falloir que tu nous rencontres. Recharger les batteries. Je me trompe dans les voyelles. C'est pas très grave. Mais nous sommes également avec lui, un véritable habitué. C'est-à-dire que si ici on était dans un bar, bah tu serais mon oncle alcoolique. Voilà, ah, tout simplement. Oui. Voilà. Il s'agit de Pierre Lapin. D'ailleurs, tu savais qu'il y avait eu un. Ils ont fait un long métrage et c'est ton nom. C'est ton nom. C'est le même nom. Enfin, c'est un dessin animé. Enfin, c'est mis un dessin animé, mis un film. Ouais, oui, bon, qui s'appelle long métrage de mi-animation. Mais qui est sorti. Moi je l'ai vu à la Fnac, il est en DVD. Il y avait des affiches et c'est ton nom quoi. C'est ton nom, c'est comme ton nom. C'est ouf que personne te t'ait envoyé des. Personne te l'a envoyé ? Non. C'est ouf putain. Parce que moi-même, enfin, j'ai mis sur YouTube, je te cherchais. D'accord. Sur YouTube, et bah en fait, vu qu'il y a ce dessin animé, on te trouve absolument nulle part quoi. Donc tu dis mon référencement est à chier. À chier la merde. Personne t'a envoyé ce truc quoi. Tu sais, c'est comme moi, la blague, pour moi c'est Black Mirror. Personne, c'est fou. Je pensais que beaucoup de gens allaient m'envoyer ça et aucune personne. Zéro. Quoi. Sachant que maintenant les gens t'envoient des. C'est... Pour moi, c'est Black Mirror. Quand vraiment juste. J'ai posté une photo d'un gâteau que j'ai fait. On m'a dit pour moi, c'est Black Mirror. C'est la fin de cette blague. Parce que là, il n'y a vraiment plus aucun rapport. Hein. Désolé pour la. Voilà. Non, mais les fans de Floodcast vont devenir aussi nuisants que des fans de Kaamelott maintenant. Faut l'accepter. Quelle meilleure façon d'accueillir Ça fait mal parce que je vois la possibilité. Bah c'est cool en tout cas parce que je suis content qu'on ait fait cette émission. On va se faire cracher dessus au Bataclan. Je suis très content qu'on ait fait cette émission après la vente des billets du Bataclan parce en combien que de temps, ah, oui. Un petit 20 minutes. Ouais. Un petit ça aurait été dur de la faire avant hein, parce que excuse-moi 20 minutes quoi. Écoute, on aura l'occasion d'en reparler. Mais comme à l'accoutumée. On a le melon. Alors maintenant oui effectivement on peut le dire nous sommes puants. Je crois qu'ils avaient remarqué vu le début de l'émission. On est odieux là. On est vraiment devenus des merdes. Qu'à cela ne tienne, on va quand même continuer l'émission comme on l'apprécie. Je vous ai pas présenté, mais les gens vous connaissent maintenant. Ça va maintenant. Me présenter, je suis quand même censé être co-host. On te présente pas toi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et puis, Pierre, c'est mon copain. On s'en fout quoi. Non, mais bon. Flaubert avait oublié que j'étais photographe, donc il n'y a pas besoin de présenter ce que je fais. Ça, faut que j'explique aux gens. Alors oui, pardon, parce que pour moi, t'étais Twitchos maintenant. Mais en vrai, je cherchais un photographe pour le Floodcast. Oui, mais attends, parce que si tu regardes sa tête, sur sa tête... C'est pas radiophonique ce qu'on va faire. Oui, mais il n'y a pas un seul couvre-chef avec une visière à l'avant. Ah bon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ouais. Ah, tu veux dire qu'il y avait... Qu'il est multicasquette potentiellement. Ouais, d'accord. Okay, mais du coup, moi j'avais zappé que tu étais photographe et tu seras, on peut le dire aux gens, le photographe officiel de la soirée au Bataclan et tu seras rémunéré. Ouais, en plus, alors, c'est pas aussi grassement que ton prochain travail que tu vas avoir prochainement. Mais toujours plus que de tourner pour Mixicom. Puisque c'est vrai. Zéro. C'est vrai. Tu laisses. Tu laisses ça au montage, putain. Je te vois mettre des petits trucs là. Je garde tout. Les amis, donc on garde comme d'habitude l'émission avec ce petit jeu que j'apprécie, le petit jeu qui nous rappelle les magnifiques heures d'RTL et d'Europe 1. Une question un peu facile pour débuter parce qu'on se chauffe. Ouais. Quel chanteur s'est agacé au micro de RTL sur l'époque actuelle? Ah, bah, oui, l'ai, oui, ouais. Si, je sais, je crois. Tu l'as ? Bah, je hais ce siècle. Il ce s'agit... siècle m'emmerde et c'est Sardou. C'est Sardou. Ah, j'allais, bah, j'allais dire la même chose. Donc, c'est Sardou, on l'écoute un petit peu. On peut pas dire. Je hais cette époque. C'est vrai. Je hais ce temps, siècle. Hein. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite ? Tout. Je me reconnais un peu. Ah ouais, c'est... On n'a plus aucune liberté. Non, on peut rien dire. Ouais, c'est terminé. Rappelez-vous les années 70-80, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire. On pouvait. On peut toujours. Le théâtre marchait, les affaires marchaient. Ouais, bon, c'est large après. Hein. Ouais, les affaires marchaient. Et alors... Les gens achetaient mes disques. Maintenant. Et maintenant, je mets deux fois les mêmes sous-vêtements. J'ai plus d'argent. Et ben, je suis en train de faire pipi d'ailleurs. Oh, je vais quand même les garder demain. Oh, je chie sur moi. Je chie sur moi. J'ai prouté. J'ai chié dans mon froc. Oh, j'ai prouté, je crois que j'ai fait caca. Alors, quand même, je tiens à vous le dire parce que c'est Pardon, un peu. Pierre. Non, mais c'est un peu dingue. Un dingue. Parce que Michel Sardou est avec nous et ponctuera un peu l'émission de son avis. Michel, est-ce que ça va, Michel ? Merde, ça va. Ok, cool. Oh, bah, génial. Pas la peine de répondre sur ce ton. On est assez sympa pour demander. Non, il a ça... dit merde. Il a dit merde, mais. Ouais. Ah, mais quoi, mais, bon, quoi, Michel ? Non, mais ça va, t'aimes bien Adrien, Michel ? J'aime pas ça. Oh, bah, attends, ça, déjà. Il a pas la langue dans sa poche. Je suis pas un objet inanimé. Je suis une personne. Dire ça, c'est quand même assez insultant. C'est incroyable. Et... Un avis peut-être sur ce qui se passe en ce moment en France, peut-être, Michel ? Les gilets jaunes et les gilets rouges et les gilets bleus et les gilets verts et merde. Ok, bon, bah, après, c'est vrai qu'il déteste les gilets. Oui, ça n'a rien à voir avec le mouvement des gilets jaunes. C'est le concept des gilets. Non, mais c'est pour ça qu'il précise. Il a une couleur après, quoi. Parce que c'est pas du tout politique. C'est vraiment purement fashion. Fashion bon, en tout statement. En tout cas, Michel, tu reviendras nous faire des petits coucous un peu quand tu veux, quoi. Non. On va voir. Mais donc la question était un peu facile, mais est-ce que vous savez qui s'est permis de partager cette vidéo donc de Michel qui déteste tout sur ses réseaux sociaux ? Alors, c'est une personne célèbre. Alors, pas vraiment, mais qui a fait l'actualité et qu'on connaît. Bah c'est Nabila. Non, Benalla. Ah que non. Oh joli. C'est Benalla. Mais oui, mais Benalla là, il ouvre trop sa gueule maintenant. Benalla qui s'est permis de dire excellent état des lieux. Oh. Oh, putain, quelle merde lui. Mais vous avez vu qu'il a provoqué Renzo Grassi, donc qui est un des qui fait partie de la famille Grassi, qui est une famille qui a popularisé et même inventé, puisque le grand-père, voilà, le jiu-jitsu brésilien. Il l'a défié dans un octogone parce que le mec, alors c'est un ministre, Renzo Grassi, qui est proche du président brésilien, et donc il a dit qu'il allait tordre le cou de Macron. Et du coup Benalla a dit je le provoque en octogone. Vraiment un débile hein. Sachant que je nique les deux à la baston, je le rappelle. Ouais, les deux en même temps. Et en ce moment il est à la fête de l'humain, Benalla. C'est ouais, actuellement, à l'heure où on parle. Il y a la fête de l'humain en ce moment. Ah ouais. Voilà, si vous aimez. Ça s'appelle le Smile Festival. C'est pourquoi ? Non, je plaisante. Non, parce qu'il y a le Smile Festival. Ça pue la merde. Yes. Super. Bah quand on parle de Benalla. Oh, allez, pardon Macron. J'ai dit Macron. Oh. Petite théorie du complot. Ah. D'ailleurs jingle. Théorie. Complot. Théorie du complot. Théorie. Le 11 septembre n'a jamais existé. Pardon. Eh ben tu ne crois pas si bien dire. Parce que Pierre, quel détail dans la tenue de Melania Trump, qui est donc la conjointe, est mal passé. Non, a fait parler lors de l'hommage au moment du 11 septembre. Tu connais la réponse ? Je crois. Elle était déguisée en tour. Non, pas du tout. C'est très mal passé. Et c'est foutu le feu. Waouh, Melania, calme-toi. Est-ce qu'il y avait genre un 11 ? Et non. Les gens disent, ouais, ça c'est les deux. Est-ce que c'était pas un truc avec du texte dans le dos ? Non, mais ça c'est un truc qu'elle avait fait au moment des migrants. D'accord. Non, c'était dans le dos, c'était un truc de designer. C'était écrit I really don't care. Oui, d'accord, yes. qui politiquement dire je m'en bats vraiment les couilles graves. Mais Sardou peut porter le même t-shirt. C'est vrai. D'ailleurs, peut-être il aura un avis à un moment, mais après, peut-être que je suis pour. Wow. C'est fou parce qu'entre quand il est là et quand c'est toi qui l'imite, c'est. Voilà, c'était Pierre qui l'imitait. Alors, du coup, je pense que je confondais avec ce truc avec les migrants, donc peut-être que. C'est une image qu'elle porterait sur un. Donc, c'est un vêtement, c'est ça. Mais rappelez-vous, ouais, c'est dans le vêtement, mais on est dans une catégorie. Elle avait un turban ? Non. Non, mais c'est possible. Elle avait une phrase de Ben, elle a écrit de l'ADN en dessous. Est-ce qu'il y avait marqué 9-11 quelque part? Non. Bah, mais, mais on est dans cet esprit-là. Ok. On est dans la théorie du complot. En fait, en gros, est-ce que vous voulez la réponse? Non. Ah, non, tu veux trouver? Si vous trouvez pas. Ouais. Ouais, bon. Il y avait un t-shirt avec écrit le Pentagone n'a jamais été attaqué. Non, <c'est vrai. rire> World Trade Center de Yellowstone n'est pas si mal. Je vous jure que c'est un truc de designer qui a écrit ça. C'est ça n'a rien à voir. C'est un truc un peu de mauvais goût et c'est fou que personne lui ait dit. Ah, on pourrait quand même croire que ça ressemble à ça. Elle avait un. Elle est. Je sais pas. Un vêtement en cendre. Non. Quoi? Ça n'existe pas. Cendre, couleur cendre. Cendre. Couleur. Est-ce que. Oh la vache. Un haut. Un haut. C'est sur sa veste. Sur sa veste. C'est une broche. Et un... Sachant que c'est visible, pardon, c'est pas un truc quand je dis théorie du complot, c'est pas genre quand tu le regardes d'un certain angle. C'est vraiment Trump a partagé le truc de. J'allais dire joyons septembre. Non, c'est pas ça qu'il a partagé. We will never forget. Et on voit ce détail des vêtements de. C'est une broche avec écrit moi perso, j'avais oublié. Non, c'est une broche. C'est avec un avion. Il y a un avion en broche. C'est ça. Alors, c'est pas une broche. C'est. Ce qui serait vraiment très de mauvais goût. Elle fait exprès, c'est pas possible. C'est en fait un visuel sur son manteau qui ressemble étrangement à un avion qui pénètre dans une tour. Donc je le montre. Ah oui, non, mais là. Ah oui, j'avoue que c'est quand même bizarre. Je le montre à mes compars. Vous pourrez chercher sur internet. Et donc voilà, c'est dans l'image officielle du président Trump. Et c'est vrai que c'est très chelou. On dirait vraiment un truc qui traverse une tour. En fait, on dirait une tour qui est. On dirait vraiment une fois que l'avion a. Il a traversé, oui, il avait traversé de l'autre côté, quoi. C'est ça, c'est très étrange. Ouais, alors, soit elle fait vraiment exprès, soit vraiment il y a quelqu'un qui est un génie du trolling qui fait des vêtements et qui fait non, mais regarde, ça passe. Ça passe très bien, il n'y a aucun problème. Le Trump. Ça, oh là là, le Cheeto. C'est un Cheeto, le mec. Il est orange ou quoi? Allez, putain. Pour moi, c'est un dictateur comme un autre. Mais c'est vous un avez dictateur vu ses une démocratie. Vous avez vu ses cheveux ou pas? C'est n'importe quoi. Un opticien va commercialiser un nouveau type de lunettes. Dr. Guigui? C'est pas lui. À votre avis, quelle est leur spécificité? Elles permettent de voir les inégalités dans le monde. C'est pour les hommes blancs. Est-ce que c'est pour éviter d'être raciste et de plus voir les couleurs? Waouh. En tout cas, c'est une belle utopie que vous m'offrez dans cette émission. Malheureusement. Non, il y a un truc de réalité augmentée. Pas du tout. Non, c'est vraiment un opticien basique. Il a concocté un nouveau type de lunettes qu'il va mettre en vente au Mondial de l'Optique du 27 au 30 septembre. Est-ce que c'est les verres qui sont particuliers ou les montures? Ce sont les montures. Les montures. Pardon. Les montures sont invisibles. Ça existe déjà. Non, ça existe. Il n'y a pas de monture. Il faut coller les verres sur le nez. Il faut les tenir entre les joues et les sourcils. C'est donc pas pratique, il a fait faillite. C'est le modèle orange mécanique. C'est ça. Le matériel utilisé pour faire les montures est un peu spécifique. Tu as le droit de faire des anglicismes. Ultra léger. Non. Plutôt le contraire. Très très lourd. Oui, bah. Waouh. C'était la blague. C'est en or. Non, mais. En diamant. Tu t'approches. Bah non, titane, c'est pas. Non. En granit. En lave. En pierre de Mars. En pierre. Waouh. Ah, pierre, juste de la pierre. Juste de la pierre. Oui, mais quand même, des lunettes en pierre, c'est pas nul. Pour moi, c'est nul. Alors, l'opticien rassure, Antoine. Antoine Gouviac, nous dit qu'elle ne pèse pas un kilo. Attention, on est un tout petit peu plus lourd que des lunettes normales. Sachant que notre monture la plus lourde dans la collection minérale aujourd'hui est aux alentours de 20 grammes. Et concernant le prix, c'est cher, mais le chiffre ne s'envole pas pour autant. Ce sera entre 320 et 400 euros la monture. Ah ouais, bah ouais. Et c'est pas vraiment que de la pierre, c'est mélangé avec d'autres, tu vois, d'autres petits trucs. Non, mais ce mec, j'ai l'impression que, genre, s'il nous voyait. Là, il nous mettrait sous cellophane et il nous couperait en tranches et il nous mettrait dans son frigo, quoi. Il nous prend pour des jambons, j'ai l'impression. Elle est très très bien. Mais d'ailleurs, Michel a un avis sur cet opticien. Complètement con. Oui, voilà. Ouais. Bon, là, pour le coup, on est d'accord. Là, je suis d'accord avec Michel. Une Américaine, victime d'anxiété, s'est vue autorisée à prendre l'avion avec un animal. À votre avis, lequel? Une chèvre. Non. Non, non. Oh, putain, chèvre attends. Naine. Non. Je crois que je l'ai. Non, c'est un oiseau. Non. Si. Allez, ok. Mais attends, il y a pas eu une question comme ça? Non. Le flacasse avec des dos. J'ai l'impression qu'il y avait une question comme ça. Pas du tout. Non. Non. C'est un reptile. Arrête. En fait, arrête. Waouh. Non, mais ou alors je l'ai entendu, mais je sais pas. Alors attends. Est-ce que c'est un reptile? Ce n'est pas un reptile. Ok. Ça pond des œufs. Non. Ok. Donc c'est bon. Donc il y a pas un oiseau. Une marmotte. Non. C'est un mammifère. Non. C'est un poisson. Non. Mais oh, Michel, pas. Une idée peut-être ? Des salades gourmandes dans les Novotel. Rien à voir. Rien à voir. Michel fait un AVC. C'est terrible. C'est pas vrai. C'est voilà, même pas des animaux. Oui, bah, c'est quoi, parfois dans les salades, ils en mettent des animaux. Waouh, pardon, oui, vegan. Je vous rappelle qu'on est vegan friendly dans ce podcast. Ce siècle. Ce siècle, mon verre. Ce siècle. Pardon. Mais attends, mais si c'est. Mais attends. Si c'est pas un mammifère. Et non, si, c'est un mammifère. Bah, t'as dit non. Non, non, j'ai dit reptile, c'est reptile. Non, j'ai dit mammifère, non, t'as dit non. Ah, bah c'est un mammifère. Singe. Okay. Non. J'adorerais. Je peux venir avec mon orang-outan. Bah, ok, de toute façon, on est obligé. Il a des poils. Il a des poils. Un chien. Un petit chien. Non. Petit chat. Non. Un truc un peu plus original, j'imagine. Sinon, ouais. Ce serait sinon, vraiment pas très insolite comme. Non. Sachant que déjà, c'est pas si insolite, mais quand même, la photo était marrante. Un cochon d'Inde. Non. Ah, non, j'allais dire un poney, mais. Quand même, faut pas exagérer. Un cheval. Un poney. Non. Il s'agit d'un cheval nain. Un Shetland. Hein. Un Shetland. Je sais pas. J'ai pas le mot. J'ai pas le mot exact parce que on dit cheval de taille réduite. Pardon, excuse-moi. Mais ouais. Non, c'est un. En fait, elle est victime d'anxiété et elle a demandé à la compagnie si elle pouvait. Ramener son cheval de petite taille. Ils ont dit et, non. Et, ils ont fait complètement malade, ma pauvre. Elle fait bah oui. Et donc ils ont fait ok, on le ramène. Okay, ouais. Et donc c'est un petit cheval nain qui était. Alors c'était un petit vol, hein. Il est pas resté pendant 8 heures, sinon il aurait crotté dans l'avion et ça aurait été immonde. Et donc voilà. T'inquiète qu'il a chié. C'est sûr, certain. Et donc, il chie à chaque défilé, les chevaux, donc dans l'avion. C'est pour calmer ton anxiété, quoi. Bah, pour calmer ton anxiété, c'est bien de terroriser un animal. C'est une bonne idée. Faire un cheval dans un avion, il doit vraiment. Mais déjà, tu sais, bon, c'est vraiment la blague que font tous les stand-uppers sur les chiens dans les voitures, mais un cheval vraiment dans un avion, au moment où il doit vraiment. De pas comprendre ce qui lui arrive, il doit vraiment être genre. Ah bah, moi, Francky dans la voiture, elle était. Hein ? Elle était bien, Francky dans la voiture. La voiture était bien ? Ouais, elle était pas mal. Elle a kiffé ? Ouais. Kiffé ? Oui, oui. Oh là là. Bah écoutez, voilà. Donc, mais l'animal a été, je vous rassure, piqué hein, depuis. D'accord. Non. Il s'est pendu comme le. Un voyage en le chef de gang. Oui, le brésilien. Ah bah, moi, je raccroche les wagons. Oh là là. Alors, cette news nous vient de Rosmene. C'est son. Genre, je vais peut-être le refaire parce que t'as roté à sa gueule. Non, mais les misophones, ils vont exploser. Hein. C'est le retour d'Adrien. Rosmene. Ah, d'ailleurs, putain, c'est ça que je voulais. Je n'ai rien contre les misophones. Mais il a littéralement tapé du poing sur la table. Ouais, oui. Là, c'est devenu Sardou. D'ailleurs. Ouais. J'ai beau rectifier dans les floodcasts. Même toi, je sais plus ce que t'as dit dans le truc avec Lucien Men où t'as dit oh, les misophones, je sais pas quoi. Je n'ai rien contre les misophones. J'ai simplement dit que tout le monde se disait misophone alors que c'était une vraie. C'est un vrai truc neurologique, la misophonie. C'est vrai. Et moi, je n'aime pas non plus les bruits. Je déteste les chuchotements dans un micro, par exemple. Okay. Je dis pas, je suis misophone, parce que c'est un vrai truc qui est diagnosticable et tout. Voilà. Et je disais que ça m'énervait que c'est comme la tripophobie où d'un coup tout le monde disait oui. Oh bah moi je suis tripophobe. Non, tu veux de l'attention. voilà, c'est tout. J'ai l'impression que là tu viens de mettre un certain point sur une certaine lettre là. Le J. Ah non, dommage, c'était le I. Bah non, moi je suis un original. Oh les zigouans, c'est Dali pour moi. Oh, à mes yeux, c'est Dali. Ah ce bah mec. Attendez, attends, ma montre. Oh là là, j'arrive pas à. Bah putain, j'en fous partout. Elle est en train de fondre. Elle est pas du tout dure. Elle est molle. Je dirais qu'elle est molle. Ah putain. Bah la canicule, hein. Bah. Michel Sardou, un petit avis peut-être sur les misophones. Ils nous prennent pour des cons, quoi. Ah bah oui, non, c'est pas ça que j'ai dit justement, Michel, t'as pas écouté. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Rosmene. Quelle heure. J'ai dit les gens qui font semblant crever. Ok, d'accord, c'est bon. Rosmene est sur le Discord. J'en place une pour le Discord. N'hésitez pas. Le Discord, c'est. Ah, c'est quelqu'un qui nous a. C'est ouais, un ouais, en fait, il y a. Un flot. Alors, c'est pas Flot Castaldi. Non, Flot Castaldi, c'est les modérateurs sur Discord. C'est... Et eux, ils s'appellent les Castor Flooders. Entre eux. Moi, je déteste. Mais oui, mais écoute, ils ont choisi d'eux-mêmes. Il y a eu un sondage. On n'y est pour nous rien. Qui décidons. Ah bon wow. Comment les... Bah oui. Ah, j'avais oublié. Ah, bah, attendez. Non, mais j'avais oublié qu'on avait le melon. Oui, effectivement. On arrête l'émission. Appelez-vous. Comment vous allez vous appeler après les. Donc, on fait ce qu'on veut, putain. Si vous... ouais. Encore une fois, on a un petit melon maintenant, mais il va falloir faire avec. Je rigole, nous, bien sûr, bien. Mais c'est nul comme nom. Donc, dans le Discord, en fait, donc vous pouvez rejoindre le Discord, il est tout le temps en description. Il y a une véritable petite communauté, c'est très sympathique. Les gens sont agréables, et quand ils le sont pas, ils sont virés à coups de bottes dans le cul. Donc, tout va bien, et il y a effectivement un sujet. Un topic comme on dit où les gens peuvent partager des news insolites, des machins, ce qui me permet d'encore moins travailler les émissions. C'est parfait. Donc autant vous dire que j'adore. Et malgré tout, tu les prépares une fois, pendant qu'on est là chez oui, toi. Oui, j'ai fini de les préparer. Ouais, bon écoutez, les flottes Castor Junior, c'est une voilà, hebdo actuellement. actuellement n'avait plus d'épisodes que dans la saison 2 en seulement 4 eh bah, putain, 4 semaines. Vous féliciter. Merci. On s'applaudit parce que maintenant on a le melon. Voilà. Attends, mais t'as rempli le Bataclan en combien de temps? L'équivalent d'un épisode de Friends. Tu peux dire vous, tu peux dire vous. Oui. La deuxième roue du vélo. Il est en face de moi. Enfin, la deuxième roue du monocycle. Oh, quel original. Quel poète. Non, mais je manie pas mal les mots. Je joue avec. J'entends que ta moustache, elle remonte jusqu'aux oreilles là. Parce que pour moi, t'es Dali. Je te le dis tout de suite. Oui, je suis Dali. Donc, c'est la news que j'ai trouvée que j'aime énormément. Pour quelle raison le buraliste PMU du Deauville Flyer, n'hésitez pas à leur faire coucou, a-t-il attaqué en justice la société PMU? Alors attends, le mec, le président du... Alors juste le gérant d'un bar parisien, il a attaqué PMU pour une raison. Alors je vais vous laisser un peu chercher, mais ça me paraît très dur que vous trouviez, mais l'histoire est magnifique. Ah oui, d'accord, donc il y a un truc... Bon, c'est un peu tricky, mais c'est très cool. Parce qu'un bar, on dit c'est un PMU. Ça, est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on appelle un bar comme ça un PMU? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a un petit lien. Il y en a pas le moindre. Ok, j'aimerais l'avis de Michel Sardou. Attention. Alors attends, parce qu'il est allé servir. Mais faut que tu t'achètes le truc comme Antoine Plimbier, Joe. Un stream deck. Ouais. T'aimes bien, Michel, aller par exemple, je vois, dans des bars PMU de temps en temps? J'aime pas du tout. Oh là là, il n'aime rien. Mais non, mais c'est fou, hein. Il est pire que Pierre. Ouais, waouh. Le cœur noir, on l'appelle. Waouh, mais t'es cynique ou quoi? Parle pas trop, Adrien. Un vrai indice, c'est le gérant qui a attaqué PMU. Ce n'est pas l'inverse. Ouais, c'est pas un indice, c'est l'énoncé du truc. J'ai dit ça? Oui, c'est vrai. Alors j'ai une mémoire actuellement qui est de moins de 17 secondes. C'est vraiment c'est tout ce qu'on doit trouver en fait. C'est tout ce que t'as dit. Il n'y a rien d'autre. Johnny Hallyday d'ailleurs, un avis. J'ai fait les pattes parce que je fais très bien les pattes. Okay, c'est Michel Sardou par contre. Putain, mais zut, j'ai plus du tout de mémoire. Ah, pardon. Oh là là, les deux pieds dedans. Non, mais il s'est retombé sur ses pieds. Bah, ouais. il est fort. T'es un chat pour moi. À mes yeux, t'es un félin. Bon. Oh putain, attends, pourquoi il a attaqué, pourquoi? Donc il y a un rapport avec les paris. Exactement. Est-ce qu'il a pas est-ce le pari avec Didier Bourdon? Est-ce rapport. Qu'il a lui-même parié? Non. Est-ce qu'un de ses clients. Il a perdu de l'argent? C'est par rapport à perdre de l'argent. Mais c'est lui ou un de ses clients? Un de ses clients a perdu de l'argent au PMU. Non, lui, il a perdu de l'argent rapport à un de ses clients. En pariant avec un de ses clients? Non. Son client était un cheval. Il a perdu beaucoup d'argent parce qu'ils boivent très peu de bière. Ils boivent que de l'eau, donc ça leur coûte rien. Ah, Florian crash. Florian, donc. Allez, terminé. Voilà. C'était la fin. Rendez-vous au Bataclan. Ce sera de cet acabit à peu près. C'est-à-dire voilà. Nul et très court. Comme moi au lit. Allez, je rigole. Crash sur la table. J'essaie de faire cracher le coca. Ah. Putain, je me suis étouffé. Merde, j'ai renversé du coca sur moi et je me suis étouffé. Juste pour info, Flaubert a un t-shirt des Red Hot. Oui. Ouais, c'est pour toi. Voilà. Il y a un gars qui m'a envoyé un mail en me disant j'ai pris mes places au Bataclan, je viendrai avec un t-shirt des Red Hot. Et je tiens à je l'ai vu, c'était sur Twitter. Sur Twitter, pardon, à faire face à Adrien. Bon, bah ça nous aide pas pour le PMU. Bon, hein, ouais. Donc c'est un de ses clients qui a fait perdre de l'argent au gérant. C'est ça, comment? Il prenait les paris dans le bar du mec. Ouais. Et du coup, quand il a arrêté, les clients doivent aller dans un bar PMU. C'est ça, mais du coup, quel pari il prenait? Des paris hippiques? Oui, non mais. Bon, je vous donne la réponse. Ouais, vous êtes pas loin. En fait, il pariait énormément. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui pariait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, puisqu'il pouvait jusqu'à miser 100 000 euros par jour. Okay. Ah ouais. Et à un moment, il a arrêté, ce qui a énervé le gérant, parce que ce client assurait 95% du chiffre d'affaires du gérant du PMU. Wow. Et en fait, je vais vous expliquer un peu l'histoire, parce qu'elle est assez dingue. Donc, ce mec, alors ils l'ont appelé Marc dans le Parisien, parce qu'ils lui ont mis un faux nom. Donc, c'est un parieur compulsif. J'aimerais quand même le préciser parce que c'est. Alors, on va pas. C'est une maladie. Hein. Voilà, c'est ça. C'est, en tout cas, c'est une addiction. Ouais. C'est vraiment un truc de. Et on profite. Enfin, le PMU et autres profitent de cette addiction pour refaire donc beaucoup. Donc lui aussi. Enfin, c'est un connard en soi. Oui, lui aussi, du coup. De que, non, là, Marc, c'est le parieur. Ce n'est pas le gérant du d'accord, bar. Okay, mais le gérant en soi, il profite de que Marc. Juste Marc. Merde, t'as dévoilé sa vraie identité. Vous avez été malin, le Parisien, en plus. Ils avaient inversé les cylindres. Non, mais vous allez voir, je vais vous raconter l'histoire et tout est puant. Même au sport d'hiver, il est capable d'appeler depuis le télésiège plus avec les bâtons à la main. Des fans des Red Hot ou Équivalent, d'accord. C'est te dire. Ouais. Même au sport d'hiver, il est capable d'appeler depuis le télésiège avec les bâtons à la main et les skis aux pieds pour faire passer des combinaisons. Faux. S'amuse Rodolphe Benat. C'est faux. Le patron du bar PMU. Il a vraiment jamais fait et ça. Et en plus, quitte à inventer une situation, autant prendre un truc un peu plus fou qu'un télésiège où tout le monde utilise son téléphone pour prendre des photos. Voilà. Et paf. Il parie sur toutes les courses de plat, sur tous les hippodromes et avec des dizaines d'ordres sur chaque course. Poursuit le gérant qui se souvient de journées à plus de 100 000 euros de mise, faisant de Marc un des plus gros parieurs de toute la France. Et par conséquent, du Deauville Flyer, le plus gros point de vente PMU du pays. Il représentait 95% de mon chiffre d'affaires, à plus Rodolphe Benat. Ah mais donc c'est un PMU le... Non, c'est un bar PMU. Oui, oui, ah bah bien sûr. Bah t'as dit non au début. Non, c'est pas la société PMU. Oui, mais c'est un bar PMU. Son cas fait actuellement l'objet d'un contentieux judiciaire engagé par Rodolphe Benat qui accuse le PMU d'avoir voulu lui accaparer son trésor. What ? Le litige révèle au passage les largesses accordées par l'opérateur de Paris à ce client VIP autorisé à miser à crédit. 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pendant une dizaine d'années, Rodolphe Benat a vécu une idylle professionnelle avec Marc, dont il souligne la probité. J'ai organisé mon activité autour de lui, j'ai engagé deux personnes à temps plein pour prendre ses mises, car il faut être disponible en permanence. Deauville Flyer a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires exceptionnel de 40 millions d'euros. Mise. Okay. La relation va pourtant se gripper autour de 2015-2016. Car si Marc est un turfiste avisé, il lui arrive aussi de ne pas toujours parier sur le bon cheval. Par nature, ses gains et donc également ses pertes sont fluctuants. Ce qui commence à inquiéter l'opérateur de Paris qui, courant 2016, encourage son meilleur client à utiliser une carte PMU nécessairement créditée en amont pour engager ses mises. Malgré tout, Marc continue de parier en direct au Deauville Flyer et sa situation devient alors une préoccupation permanente du PMU, comme en atteste le contenu des innombrables SMS échangés fin 2015 et courant 2016 entre Rodolphe et Pierre Jeglinski, directeur de l'agence de paris du PMU. Donc c'est vraiment, vu que c'est un gars qui parie beaucoup, c'est-à-dire que le patron de PMU s'occupe de ce gars-là. Donc il y a énormément de dettes, machin, et du coup, à un moment, le PMU et le gérant du Deauville Flyer régulent en quelque sorte les dettes de leurs parieurs, mais cette période de co-gestion ne dure pas. Rodolphe Benat a le sentiment que le PMU veut récupérer en direct la gestion de Marc, donc c'est vraiment des parents divorcés immondes, en l'incitant à parier sur la plateforme Allo Paris, ce qui le prive de commission. Je suis un homme objet, on me négocie, je ne pensais pas en arriver là, s'épanche Marc, donc le joueur, auprès de son ami gérant dans un SMS du 21 septembre 2017. Progressivement, Marc cesse de parier au Deauville Flyer, il invoque à la fois un certain écœurement et des erreurs de caisse. Le chiffre d'affaires du bar s'effondre. Et voilà, et donc du coup, il y a un contentieux entre Rodolphe qui dit qui attaque le PMU parce qu'il trouve qu'il le prive de sa poule aux œufs d'or. Wow. Une histoire bien puante la merde. Oui. Alors que bah, y a l'Amazonie qui brûle, quoi. Et genre, enfin, je veux dire, on s'en fout, en fait. On n'est pas vraiment sur une planète qui marche sur la tête, quoi. Enfin, ouais. Aucun média n'en a parlé. Non, non, vraiment. Donc voilà, je voulais en parler parce que être accro au jeu, c'est vraiment une addiction très très relou. Moi, j'en ai eu dans ma famille, sans faire Cosette. Et vraiment, ça fout vraiment la merde violemment, quoi. Donc, une bonne histoire bien nulle. Michel, peut-être un avis. Il y a des gens qui prennent le taux, t'as sens inverse. Oui, mais ça n'a rien à voir. Rapport, là, c'est je suis désolé, quoi, mais des fois, ils se lancent dans des sujets. Amélie 3000, ah, qu'on embrasse, qui elle pour le coup est une footcast LD, car c'est une des modos du Discord de Floodcast, m'a envoyé elle aussi un article. Quel problème à l'œil possédait cette vieille femme de 67 ans, pardon, je me suis lancé sur vieille, anglaise. Elle avait un problème aux yeux, à votre avis, lequel? On est très sur les yeux dans cette émission, je me rends compte. Elle ne voyait pas les couleurs? Non, elle était juste des gens, je parle. Hein? Des gens. Ah oh! Oui, mais elle n'était pas raciste, du coup. Pardon, mais en Angleterre, avec le Brexit, je pense que, hein, si tu vois ce que je veux dire, c'est un peu Trump anglais ou quoi, Boris Johnson? On a l'impression. Vous avez vu le mec, justement Boris Johnson, là, qui était en visite dans je sais plus quelle ville. Et il y a un gars qui lui a dit Please leave my town. Avec un gros sourire. Ouais. J'ai adoré, tout simplement. Un problème à l'œil. Ouais. Elle louchait. Oh, attends, il y a Adrien, pardon, qui a ouvert une porte. Ah, oh, qui devient un monstre. Attends, il y a ma réponse derrière. Je la prends. Ah oui. Elle avait un œil qui voyait avec une seconde de retard. C'est ça? Non. Ah, okay. J'étais ça, je voulais le grand sourire. Ce qui était un problème au cerveau, finalement. Ouais, ouais. Mais bon, donc c'est l'œil, vraiment l'œil. Elle l'a perdu. Non, je veux dire, elle avait un œil tombé. Assez banal comme. Non, non. Elle avait mal à l'œil, c'était ça. Ouais, mais pourquoi? Non, non, mais. Elle avait mal à l'œil. Elle avait mal. Donc c'est pas. Elle avait mal parce qu'il. Mais est-ce qu'elle avait une poutre dans l'œil comme tous les dirigeants de notre monde? Elle avait un œil de bébé qui n'avait jamais grandi. Elle avait sa sœur jumelle dans son œil. Non. Bah, mais... ça, c'est un épisode de Black Mirror. Pour ah, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a la mère dans le, je sais plus quoi, dans le cerveau. Enfin. Ah oui, oui, d'accord. Ah, c'est vraiment un épisode. Bon, bon. Non, mais je disais non. Juste comme les gens qui mangent leurs jumeaux oui, dans oui, le ventre. Bah, Greg Romano. D'accord, ok, d'accord. C'est vrai. A fait ça. C'est vrai. On l'embrasse fort, faudrait qu'il vienne, Greg. Mais il l'a fait à 19 ans. Oui, oui. Mais en fait, il est. Non, mais il est dans une émission de radio maintenant, donc c'est dur à gérer. Je l'avais invité plusieurs fois, et en fait, faut le... vu qu'il a et un enfant et une émission de radio, faut le prévenir 3 semaines avant. Bah oui, te parce dire... que d'ailleurs, il devait jouer dans Pip, et il n'a pas pu parce que. T'as vu, je fais les bips moi-même. Ouais, bien sûr. Quand je dis. J'attendais. Tu peux le dire, tu peux laisser. Non. C'est la dernière fois. J'ai oublié de l'enlever la dernière fois. Elle avait mal à l'œil parce qu'elle avait un truc derrière l'œil, un objet. Pas derrière. Dans l'œil, planté dans l'œil. Alors, un insecte, un animal. Non. Vous êtes presque. Aucun des deux. Aucun des deux. Une punaise. Non. Qui est à la fois un objet et un insecte. C'est pour ça que j'ai essayé de. Ouais. Bien joué. Un scalpel. Non. Un verre de lunettes. Elle, non, elle a oublié de retirer elle sa lentille pendant 15 ans. Quoi. Alors, c'est encore plus dégueulasse que ça, mais c'est ça. Ah. En fait, ça faisait des années qu'elle mettait des lentilles sans penser à les enlever. Ah, voilà, ce qui fait ça accumulait. Elle avait 27 lentilles de contact. C'est pas possible. Sur les yeux. Bah, nous, avons été stupéfaits, nous avons été stupéfaits que la patiente n'ait rien senti, car ça a dû provoquer le bon nombre d'irritations. Parce que ça fait quand même 10 cm. Elle a vraiment des jumelles, des petites jumelles qui sortent des yeux comme ça. J'aime, mais en plus, Wally, sa vue, et en plus, sa vue, bah, du coup, alors, enfin, en je fait, veux elle dire, est c'est comme de... si tu mets deux paires de lunettes l'une sur l'autre, même si c'est des lunettes qui corrigent ta vue, c'est... tu bah vois non, plus tu rien. Tu vois plus rien. Alors, il a mis deux lentilles, c'était mort. Alors, 27. 27. Mais en fait, c'est parce que elle négligeait les rendez-vous déjà chez son ophtalmo, ça je vous le dis. Oui, et oui, elle était atteinte de cataracte. Et elle se disait qu'en vieillissant, c'est normal, on voyait moins oui, bien, voilà. Mais ça la faisait mais chier. Jour après jour, vraiment. Et donc, ouais, on était sur 27 lentilles de contact. Et c'est en fait le jour où elle a dit bon, bah je vais mettre des lunettes et que ça a tapé sur les verres quand elle a dit oula, qu'est-ce que c'est un petit souci. Ah, Adrien Méniel, parce que là, j'ai reçu beaucoup de questions. Oh là, parce que c'est vrai que ça faisait quelques émissions que t'étais pas là. Il y en aura peut-être un peu d'autres d'ailleurs où tu seras pas là parce que malheureusement il y a un tournage qui va arriver. Un tournage, oui. Mais on fera en sorte quand même d'être après, au maximum. Après, je suis peu présent, je pourrais me débrouiller sûrement. Mais on fera en sorte que tu sois j'ai là au mon... maximum. J'ai eu mon planning provisoire que je pourrais te fournir. Et qu'on partagera en pour direct que tu fasses avec les éditions bien sûr. Quand je suis pas là. On fera... Non, tu sais que je préfère que tu sois là, bah, évidemment. J'espère bien, tu quand le même. Sais bien. Et où est-ce que tu étais? Parce que là, les gens, alors ça spécule. Et toi-même, en plus, tu étais énervé. Oui, mais tu étais énervé parce qu'on a dit déjà que tu étais en Kangoo. Ça, je sens que j'étais pas énervé. C'était... Ça t'a vexé? Pas du tout. Ça t'a vexé. J'ai beaucoup de respect pour les kangous. J'ai envisagé un moment d'en acheter un. J'ai opté pour un Caddy Maxi. Volkswagen Caddy Maxi. Pas mal. Qui est un véhicule voilà, qui est plus bas un utilitaire qu'un... comme on dit. C'est un véhicule utilitaire à la base, comme les vannes hein, à la base c'est des véhicules utilitaires. Ensuite c'est souvent aménagé pour ici, vivre dedans. Et ici on aime bien les bonnes vannes. Et moi c'est ce que je dis. C'est qu'avec l'argent que j'ai gagné en faisant des vannes, je me suis acheté un van. Même si c'est pas vraiment un van. Un avis peut-être Michel sur cette petite... Attention ce que tu vas dire hein. Non mais c'est parce que c'est un petit mot d'esprit. Donc j'aimerais l'avis de Michel Sardou. Eh ben je la trouve pas mal moi. Oh, oh sympa. Pas mal. Sympa de sa part. Comme quoi, il aime. Il est magnanime. Ouais. Voilà, il aime des trucs quand même. Ouais, hein. ouais. Là, j'aime bien. En plus, je suis quand même un mec à une plume. Ouais. Je suis pour. Il change de voix. Tu le tiens que sur je suis pour. Enfin, tu le tiens. Oui, mais tu le fais que sur je suis pour. Ils ont le pétrole ou après. Doucement. Mais donc voilà, en fait, c'est parce que moi, je dans ma résidence, j'ai une place de parking souterrain. Parce qu'on m'a demandé pourquoi t'as pas ça acheté va, un van. Eh bien parce que un grand van, ça ne rentrerait pas dans mon parking souterrain ou limite quoi. Et aussi j'ai vraiment pesé le pour et le contre et je me suis dit quand je vais prendre mon véhicule pour visiter des villes etc, c'est quand même pratique de pouvoir se garer visiteur. Dans un parking souterrain, un parking payant et pas chier, flipper à se dire je vais me faire déjà pas tourner 3 heures pour t'ouvrir une place, ne pas avoir peur de se faire braquer sa voiture, etc. Donc en gros j'ai dit ça, le Volkswagen Caddy Maxi c'est un truc qui est souvent utilisé pour faire des mini campers comme on appelle ça. Donc je me suis dit j'en achète un et puis je l'aménagerai peut-être ou peut-être pas machin etc. Beaucoup utilisé pour kidnapper des enfants. Entre autres ouais. C'est ce que j'ai fait. Numéro 1 chez les pédophiles. Voilà. Non mais du coup j'ai acheté ça. Alors, du coup, je raconte. Mais du coup, je t'en supplie. Je vais essayer de faire vite parce que ça ne concerne que moi. On a tout notre temps. Tu m'entends ? Donc, en fait, je l'ai. Tu m'entends ? Attends. Attends, tu m'entends ? Adrien ? Flo ? Bah, mec. Je sais pas où va cette vanne. Bah, non plus. T'es le blizzard ou quoi ? Je t'entends, c'est bon. Ok. C'est pas parce qu'on savait pas qu'on pouvait pas la continuer pour une heure. Oui, mais déjà que je vais parler longtemps. Enfin, je vais essayer de pas parler trop longtemps. Non, et donc du coup, j'ai acheté ce. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Oh. Non. Alors à la base, je vais revenir un peu avant, c'est que à la base, bon, faut savoir que j'ai mis des années à me décider à franchir le pas. À Le Bon Coin. Parce que le site est mal foutu. Ouais. Non. Je sais pas ce qu'en pense Michel du Le Bon Coin. Du Bon Coin. Ils nous prennent pour des cons. Le monde peut pas te prendre pour des cons. Arrête. C'est les vendeurs. Ils nous prennent pour des cons. Mais tu dis la même chose. Ils nous prennent pour des cons. Mais t'appuies sur la même touche tout le temps, Michel. Change de disque. Ils nous prennent pour des cons. Ah bon, t'es là. J'ai fait des pâtes parce que je fais très bien les pâtes. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Je parle de ma voiture. Je vais. Pardon ? Je vais. Ma voiture ? Je vais. C'est incroyable. J'ai fou, mec. C'est quoi cette haine d'un coup, Michel, là ? Tu... Merde, ça va. Mais quoi ? Non, mais merde. Il me dit merde. Putain, c'est fou. Il a même un blague tout à l'heure et là, il me parle comme un chien, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, bon, bah, le mec ne. Des excuses, oui, peut-être, Michel. Comme quoi, on est libre quand même. J'aime pas du tout. Oh, ouais, bon, bah, t'aimes rien. Des salades gourmandes dans les Novotels. Oui, mais ça veut rien. Oui, enfin bon, tout le monde déjà a pas les moyens de se payer un Novotel. Faut un peu check your privilege, Michel. C'est vrai, Michel check assez peu ses privilèges. Je pense pas, non. Bon, alors, vas-y, Adrien. Donc, pardon, j'ai mis des années à me décider. Ça fait des années que j'ai envie de m'acheter un véhicule de ce type. Mm-hmm. J'ai mis des années à franchir le pas. Et enfin, j'avais trouvé un garage en Allemagne qui en vendait un qui m'intéressait et tout. Et j'ai communiqué. Et les mecs étaient très agressifs dans le sens où j'ai dit « Oui, bonjour, je suis intéressé par ce véhicule, j'aimerais vous poser quelques questions. » Donc je posais mes questions et à la fin, ils disaient « Ok, vous l'achetez ?» à la fin du mail. Donc je disais « Calme-toi, mec. » Donc je disais « Oui, mais je voudrais aussi savoir ça, nanana. » Ils disaient « Oui, vous l'achetez ?» Donc je disais « Waouh, ils sont vraiment très vénères. » Après, c'est les Allemands. Ah, je déconne. Allez, je déconne. Voilà. Je n'avais rien. Et donc, je dis « Bon, bah ok, je vous le prends et tout. » Le mec m'envoie le contrat. Et bon, bref, pour faire court, le mec était fou allié. Et à un moment, il m'a dit « Si j'ai pas le contrat à midi, sachant que c'était le matin, et moi en fait je voulais. Ah ouais. Non, mais moi il m'envoie le contrat le vendredi, et moi je dis à un pote à moi qui parle allemand, je me dis, quand t'as deux secondes, est-ce qu'on pourrait lire le contrat et que tu me dises où je dois signer et tout quoi. C'était moi hein, le pote en l'occurrence, voilà. Parce que je parle allemand. Exact. Voilà. Et le lundi, le mec me dit, si j'ai pas le contrat à midi, j'annule. Donc je dis non, mais c'est parce que en fait il me faut juste un peu de temps parce que j'ai contacté un ami pour qu'il m'aide parce que je parle pas allemand. Et le mec il dit d'accord, très bien, bah c'est terminé. La vache. Il a dit d'accord, bah c'est terminé, j'ai vendu la voiture à quelqu'un d'autre. Je fais bon, ok, bah yes. Fou allié. Et du coup j'étais un peu deg et après je suis allé sur Le Bon Coin et j'ai vu Jeannot, donc. Ah là là, le coup de foudre. Orange, je l'ai trouvé magnifique, je l'ai trouvé voilà, donc je l'ai payé plus cher que si je l'avais acheté en Allemagne, mais je l'ai acheté dans un tout petit garage dans l'Isère, genre dans un village dans la montagne. Donc une petite famille charmante et tout, je me suis dit je préfère donner mon argent à eux que à un Allemand. Qu'à des Allemands de merde, enfin c'était les mots que tu avais utilisés. Non, mais un étranger de manière générale quoi. Je plaisante bien sûr. Je déconne. Non, mais à des gens qui sont cons, voilà. Donc je préférais donner à des gens gentils, bon, même si je payais plus cher. Et t'as fait un petit road trip du coup. Et donc voilà, je suis allé chercher. Donc déjà, je suis allé l'essayer. J'ai dit ok, je l'achète. Machin. Ah, je suis allé l'acheter. Je l'ai pris. Et donc j'étais heureux. J'ai et roulé. Là, aïe aïe aïe. Et 3 heures après. J'étais en train de rouler sur une petite route de campagne. Petite route de montagne. Ah, carrément. Okay, ouais. Voilà. Oh, attention les virages. Ah bah attention les virages, ça tourne. Hein. Et il y a aussi des petits fossés d'environ 40 cm sur le bord. Ça a son importance dans la suite. Ouais. Et en gros, je roulais et il y a un truc qui vibrait dans la voiture et ça m'agaçait. Bah, et donc je me dis mais c'est quoi ce qui vibre et tout. Donc j'ai un support là pour mettre que j'ai acheté pour mettre le téléphone. Donc je me dis c'est peut-être ça. Je pose ma main dessus. Ça vibre toujours, donc je dis c'est pas ça et tout. Je tiens commence à tout toucher. Non, mais je commence à. Voilà, et ça commence à m'obséder un peu. Et du coup, perte d'attention. Et quand j'ai relevé les yeux, j'étais en train de me diriger vers le mur, quoi. Enfin, mais c'est ça qui est très chiant. Alors, je vais dire un truc très bête. Mais c'est vrai que c'est chiant quand t'as un problème avec ta voiture, tu ne peux le voir que quand tu roules. Bah ouais. Enfin, c'est il avait essayé avant, donc il aurait pu le voir, Adrien. Ouais, mais ça s'est arrivé pendant, en fait. Ouais. Ouais, non, mais. Genre, avant, tout allait bien. Ouais, oui, non, mais c'est, okay. j'ai remarqué ce truc-là, puis ça vibre plus. Donc, je sais pas ce que c'était. C'était peut-être juste un truc posé dans, la, dans un vide-poche ou une connerie. Genre des pièces de monnaie, souvent. Peut-être, peut-être. Mais. Et donc. Voilà, et donc je vois que je suis, mais je roulais pas du tout vite, hein, mais je vois que, et c'était de la roche, c'était la montagne quoi. Donc, et donc je vois ça, j'ai redressé le volant, donc j'ai à la manière de Dominique Toretto, ouais, de Philippe Toretto, pardon, assez normalement au final, voilà, Captain Conan, je sais pas, j'ai admirablement bien, j'ai eu la chance de l'avoir en chauffeur Uber une fois parce que ça marche pas trop pour lui en ce moment. Je lui ai mis 5 étoiles, il était super. Non, et donc j'ai pété le rétro. Droit, j'ai un peu éraflé le montant, donc c'est la petite barre en fer qu'il y a entre le pare-brise avant et la portière en fait quoi. Il y a, c'est un tout petit truc, donc ça je l'ai un peu enfoncé et j'ai pété la petite vitre triangulaire qui est à côté du rétro. On a failli et, perdre. Et accessoirement, bah, en vrai je me suis le footcast dit est fini, si c'était quoi. Un ravin au lieu d'un mur, j'étais mort. Ouais. Enfin, clairement. Non, et comme il y avait un petit fossé, mais pas grand, mais genre 40 cm quoi, un truc comme ça. Comme il y a souvent sur le bord de la route. Et du coup il y avait les deux roues dans le fossé. Je pouvais plus sortir. Donc j'étais vraiment bloqué à 45 degrés et tout. Et là où ça devient marrant, c'est que donc il y a un mec qui passe avec une moto, avec un sidecar. Et donc le mec s'arrête et tout, il dit ça va et tout. Je fais ouais, bah là je suis coincé et tout. Et il me dit ouais, bah il y a le vieux là en haut, il a un tracteur, il pourra te sortir et tout. Et je dis ouais ben bah, je sais pas comment y aller et tout. Il me fait bah vas-y monte dans mon bordel. Oh là là, trop bien. Son bordel étant le sidecar. Donc je dis ah bah merci, c'est sympa et tout. Il dit ouais c'est juste là et tout. Et je prends pas cet accent parce que c'est un mec de la campagne, mais parce qu'il parlait vous allez vous comprendre pourquoi. T'es mort. Et donc bourré. je monte dans son sidecar. Il démarre et il dit eh, par contre, c'est toi qui sonne, hein, parce que moi je suis défoncé. Oh non. Donc je fais, bah je suis ravi d'être dans un sidecar sans casque, conduit par un mec défoncé. J'imagine vraiment comme Sean Connery dans Indiana Jones 3, t'es comme ouais, tout petit. C'était un peu ça, ouais. Et moi je venais de me planter, donc j'étais un peu encore sous le choc et tout. Et effectivement, bon, juste dans le virage au-dessus, c'était donc chez lui. Et le voisin était un gars qui avait un tracteur. Je lui ai dit ah bah je me suis planté là-bas et tout. On m'a dit que vous pourriez me dépanner avec votre tracteur. Le mec a dit ok bah on y va. Vraiment trop sympa quoi. Vraiment direct. Mais tu vois comme quoi tu disais putain les paysans de province je les déteste. Bah, ouais, les pécores de merde. Ouais, non bah je retire. Ouais voilà. Non et bon voilà le mec m'a sorti du truc. Maintenant je lui ai dit combien je vous dois. Il m'a dit oh non rien c'est bon. Donc je suis reparti. Suce-moi, il a dit. Et là j'ai dit bah écoutez je vais chercher mon mon spray pour la bouche dans la voiture et je suis parti très vite. Non et donc je suis parti. J'ai essayé de, moi j'avais prévu de passer cette première nuit dans le véhicule. Là je me suis dit bof, j'ai moins envie, ça m'a un peu gâché. Je devais en fait passer une nuit puis aller chez ma sœur le lendemain. Finalement j'ai dit je vais aller chez ma sœur directement. Et parce que impossible de trouver un garage. Enfin, en fait, moi, mais ça m'a appris du coup le temps que ça prend de réparer une voiture. Parce que je me disais, bah, long. Je me suis dit, bah, je vais aller dans un garage, ils vont me le réparer, puis je vais repartir. Non, ça prend plusieurs jours, connard. Évidemment. Oui, bien sûr. Après, toi, c'était pas non plus. Enfin, y a pas besoin de pièces. Bah, si, le rétro était arraché. Ah, bah, oui, hein, le rétro était arraché. La vitre a changé. Ouais. Enfin, tout ah, ça. Oui, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et non, puis non seulement ça, mais en fait, le montant qui était enfoncé, il faut aller chez un carrossier. C'est pas un garage quoi, c'est un carrossier qui redresse le truc, le repeint et tout, etc. Bref, j'ai trouvé à côté de chez ma sœur. Vraiment, le carrossier, il est à 100 mètres de chez ma sœur. C'est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Et après, je suis parti. Donc moi, à la base, donc j'étais censé partir, disons en gros une semaine tout seul, et après faire une semaine avec ma copine et Francky. Ah. Au final, j'ai fait genre 2-3 jours tout seul et puis après, ma copine m'a rejoint et on est parti. Oh là là, Michel, c'est Sardou hein, qui rentre. C'est Sardou depuis le début. En plus, le truc, c'est qu'il me tape sur l'épaule, donc j'arrête de parler. Je me dis, quoi qu'est-ce qu'il y a? Et il rote. Horrible. Il m'interrompt pour faire ça, quoi. Bah, il est pour, hein. Donc, je peux roter. Je suis pour. Oui, bon, bah, Je peux finir, ouais, Michel. Et donc, oui, alors quoi. Donc, les deux nuits que j'ai fait tout seul, je les ai fait dans le véhicule. Donc, en termes d'aménagement, j'ai fait un truc ultra clodo, mais vraiment. Efficace, quoi. Très efficace. En fait, j'ai vu ça. Je cherchais, je me suis pris la tête pendant des jours pour me dire. Comment... Le projet d'une vie. Non, mais comment je vais. Parce que je voulais. Il me fallait que je trouve un moyen de faire un aménagement temporaire qui coûte pas trop de fric, quoi. Pour pouvoir. Qu'on puisse dormir à deux avec ma copine, quoi. Mais t'as mis un matelas dans le. Non, coffre, parce qu'il faut pouvoir ranger toutes les affaires que t'as. Et en fait, je suis tombé sur un blog d'une meuf qui disait, bah en fait, vous achetez des boîtes Ikea. Okay. Et vous posez le matelas dessus, quoi. Et elle disait, il n'y a pas besoin que ça remplisse l'intégralité du véhicule, parce qu'en fait, le matelas, ça compense, et même les espaces, tu les sens pas. Et donc j'ai fait ça, et ça marche très bien. Donc j'ai fait ça, j'ai dormi dans Jeannot, c'était super. Jeannot qui est le nom du véhicule, voilà. Il n'est pas le monsieur qui t'a sorti de la voiture. Oui, pas du tout. Voilà, pas il n'a pas dormi. Peut-être, ah, c'est vrai, on je sait ne pas. Sais pas. C'est vrai. Et donc après, alors voilà, je voulais. Parce que les gens avaient l'air de croire que j'avais passé genre 10 jours à dormir dans mon véhicule. Oui, non. J'ai fait deux nuits. J'ai tenté une nuit avec ma copine. On a très mal dormi. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ma copine, elle avait peur de dormir genre au milieu de nulle part, genre dans une forêt et tout, ça lui faisait peur. Ouais. Et elle a dit, ah, je serais plus rassuré si on dormait dans un endroit sur où... un parking. Oui, mais littéralement. Dans le parking d'un Intermarché. Oui, très loin. En près vrai, de la gare. Non, mais dans un endroit genre résidentiel où il y a un peu des gens potentiellement, quoi, tu vois. C'est... Ce qui est un peu s'entendre parce que c'est Oui, mais le vrai danger pour l'homme, c'est les hommes. Donc oui, pourquoi mais. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est une débile à nos yeux. Enfin, sans vouloir. Je comprends. Non, mais. Le Zodiac Killer, il tuait les couples qui étaient garés au bord d'un lac tout seul, tranquille, quoi. C'est donc, vrai. Après, c'est juste un bateau, donc un bateau peut pas te faire de mal. Non, le non, Zodiac. Là, tu parles du Zodiac, le véhicule, je parle du tueur en série. Il les confond toujours, si je t'avais dit Pierre. Oui, c'est pour ça que t'as rien compris au film Zodiac. Oui, c'est ça, je disais, mais Fincher, il a fumé, quoi. Quel rapport avec bateau, il n'y a pas une seule scène. Si, il y a. Si, ouais. Il vit dans une péniche, Robert Downey Jr. En tout cas, nos amis cinéphiles se régalent dans cette épisode. Et non, voilà. Donc, on a fait une nuit. Il s'avère qu'il y a un groupe, au moment où on a commencé à réussir à dormir, un groupe d'Allemands bourrés est venu juste à côté de nous hurler et jeter des bouteilles par terre. Donc elle a moyen apprécié. Nos amis allemands, on les prend Allemands plein la tête. Ouais, ça siffle beaucoup. Désolé, mais les Allemands pourrissent la vie. J'y peux rien. Je ne fais pas de discrimination, mais je suis obligé de constater que les Allemands sont des merdes. Non, mais je tiens à dire qu'une fois un Allemand m'avait planté une fourchette dans le genou. C'est vrai. Au Club Med. Oui, bah voilà. Voilà. Donc, après. Bon, après voilà. Mais cela dit, c'est pas ma copine qui n'a pas voulu redormir dans le truc, mais c'est moi qui ai dit bon. On a très mal dormi. C'est un fiasco. Moi, je conduis parce qu'on a pas mal bougé. Je disais, moi, je conduis. Ça me saoule d'être crevé en fait. Enfin, je me repose pas et après je conduis et tout. Donc autant se faire des. On est là quand même en vacances. Donc oui, voilà. On a beaucoup roulé. On a vachement profité du côté camping-car et tout machin pour s'arrêter dans des endroits pour bouffer machin, etc. Mais on a dormi à l'hôtel essentiellement, quoi. Enfin, dans des hôtels. Et est-ce que t'as dormi dans un Novotel? Non, mais je vois pas pourquoi en fait. Bah parce que j'ai un pote qui adore bouffer des trucs dans les Novotels. Mais quoi? Des salades gourmandes dans les Novotels. Ah bah mais tu vois, oui, mais on était dans les Landes et il y a pas de Novotels. Assez des peu, petits, ouais, c'est des petits hôtels. Quelques Formule 1, mais pas plus, quoi. Même pas, ah, même c'est pas, des trucs, ouais, des trucs indés, quoi. Ah, des B&B, quoi. Enfin, ouais, voilà, faisait des petits trucs. Mais en tout cas, les Landes, c'est vraiment. Magnifique comme région, quoi. Bah voilà. Les gens des Landes, voilà, seront. On les ravis, salue, quoi. On ouais. se salue. Les Landais, vous avez une très belle. J'aimerais y vivre si c'était pas mort. Non, non, mais. Oui, parce que t'as ta nuit là. Enfin, t'as fait une story où t'étais au milieu vraiment de nulle part. Alors là, j'étais dans l'Hérault. J'étais au sommet, vraiment au sommet d'une montagne. J'étais vraiment seul là. C'était vraiment trop bien. Et c'était. Non, ça, c'était vraiment cool. Sauf que j'ai un peu. Je vais te donner des détails, mais c'est juste que j'étais. Donc je dormais. Et il y avait beaucoup de vent la nuit. Si en soi je m'en branle, le bruit me dérange pas. Mais c'est juste qu'il y avait des bruits, genre comme des. c'était les Allemands. À côté de... les Allemands qui étaient là. Ça faisait... ça faisait des bruits comme ça, alors que j'étais au milieu d'un truc avec que de l'herbe, quoi. C'était pas genre, il y a des branches qui tapent et tout. Il y avait uniquement de l'herbe. Et un vieux. Un vieux à poil. Qui se branle. Qui tape sur des bambous et c'est numéro 1, apparemment. Mais... non, non, mais... non, non, mais et ça faisait des bruits comme ça de coups. Et je me disais, mais putain, c'est quoi ce bruit, quoi? Et donc, j'ai commencé à partir en parano du genre, c'est le vent qui pousse un peu la voiture et la terre est meuble. Et du coup, c'est genre le véhicule qui se décale d'un centimètre à chaque fois. Ah, du coup, je vais beaucoup de vent, du coup. Ouais. Oui, ce qui est débile. Enfin, vraiment, pour bouger une voiture, il faut beaucoup de vent, quoi. Donc je suis sorti en slip la nuit dans le vent avec une lampe de poche. J'ai vu vraiment Breaking Bad, quoi. Vraiment, c'était ça, quoi. J'étais en calbar avec ma lampe et je regardais. Et je disais là et j'entendais rien quand j'étais dehors. Ah, et donc c'est dans la voiture. Et donc et je comprenais pas. J'ai jamais compris ce que c'était ce bruit. J'ai fini par m'endormir. Donc c'était quand même cool, mais je n'ai pas compris ce que c'était. Si quelqu'un... Les Floodcasters Junior... Si les Floodcasters dans les Landes. Ouais. C'était pas dans les Landes, c'était dans les Landes. Pardon, excusez-moi. Ouais. Pardon. Et donc voilà, je n'ai pas compris ce que c'était ce bruit. Je crois qu'il y a le grand JD qui est parti là. Et il est en train de faire une vidéo. Il va aller voir ce qui se passe. Que, voilà. On lui demandera. Bah, sans doute un fantôme. Ouais, certainement. Bah écoute, moi, pendant que tu n'étais pas là, Adrien, j'ai eu un. Il s'est passé plein de choses parce qu'on a fait plein d'épisodes. Donc, ouais, effectivement, tu n'étais pas là. Et. Vas-y. Le père Fourage qui a appelé. Moi, surtout, j'ai été. Donc, j'ai parlé de la ville d'Autun. J'ai parlé du. Et le maire nous suit. Alors voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave. En même temps, c'est sur Twitter. Mon effet un peu raté, mais c'est pas grave. Vincent Chauvet, le maire geek d'Autun. Le sang de la veine. Le sang de la veine. Bah ouais. Comment il s'appelle, Vincent? Comment? Vincent Chauvet. Et ben on le salue. Oui. Le maire d'Autun. Chauvet par le gong. Oh. Désolé, monsieur le maire. Oui. Monsieur Après, le maire. Il est plus jeune que moi, il me doit le respect. Alors oui, parce qu'il a 31 ans. Donc, voilà. Il a pas rempli le Bataclan. Non. Pour le moment, non. Oui, voilà. Pour le moment, en tout cas, pas. Son Wikipédia est américain. Ça, j'ai bien aimé aussi. Waouh. C'est-à-dire qu'il a. Ouais, que c'est, je le respecte. Il a pas de Wikipédia français, il a directement un Wikipédia anglais. Donc j'ai trouvé ça assez stylé. Stylé. Bah, respect. Et donc oui, maire d'Autun qui nous a fait un petit tweet, qui nous a dit... Bah, maire d'Autun le... quand même, doucement. Le maire geek, entre guillemets. Écoute le hashtag, il est geek, hein, de toute façon. Donc, ouais. Donc il utilise les réseaux sociaux avec ferveur. Le hashtag floodcast de l'Autunois, @ Monsieur Flaubert, il m'a mentionné. Oh la vache. Pure geekos. Stay tuned, bilingue. Bah le mec. Pour plus de news, vraiment très bilingue. De @ Autunville. Bah, il vit dans son cale, coin. Non, voilà. Il cale la ville. Et emoji qui fait les doigts comme ça, genre c'est nickel, quoi. Bah non, il est suprémaciste blanc en fait. Donc là, c'est pas cool en fait. Bah, il est suprémaciste blanc en fait. Pourquoi? C'est le signe que se sont réappropriés les. Non, mais c'est vrai. Oui, ouais. Le rond de, oui, sur de... les photos là. C'est drôle cette blague. Oui, pardon. J'allais vraiment name dropper des gens. Donc c'est chier. Non, j'ai déjà 16 coupes à faire. Moi, je préfère. Le suprémacisme blanc à cette blague. C'est dit. Oh la vache, okay. C'est dit. Et donc Vincent Chauvet. Suprémaciste blanc. Non, mais je savais pas parce que moi je l'utilise ce truc. Hein, ah, quand mais même. Si, c'est vraiment le. Bon, comme après, ça. C'est comme, ah, voilà, ça c'est comme la grenouille Pépé the Frog. Non, mais qui a été réhabilité Pépé the Frog maintenant. C'est vrai. Avec les manifestants hongkongais qui sont réappropriés la mascotte, donc c'est reparti vers la gauche. Ouais, ouais, mais le créateur l'a quand même doute, l'a tué. Le créateur l'a tué. Ça m'a brisé le cœur cette histoire. Ce que je voulais dire, mais on peut construire le futur comme le fait le maire d'Autun. Ouais, le maire d'Autun qui est un vrai geek, hein, je vous le rappelle. Ultra geek. Et qui ensuite reparlait de nous parce qu'en fait, moi j'ai répondu à une interview pour le journal de Saône-et-Loire, c'est-à-dire que les médias parlent de nous. Il y a eu un article dans. Contrairement de l'Amazonie. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est fou. Personne. Je suis en couverture quand même, je tiens à le dire, journal de Saône-et-Loire. Ça me plaît énormément. Et l'article s'intitule « Avec le podcast enregistré depuis son salon, l'Autunois Flaubert cartonne ». Donc il a mis une photo de nous deux, Florent, Adrien. Sympa. Je me suis trompé en disant mon prénom. Un énorme melon. Énorme melon. Là, il y a quand même un petit truc. Il va falloir qu'on parle quand même. Je donne mon prénom à d'autres gens. C'est vraiment une erreur. Donc Florent Bernard à droite, en plein enregistrement de Floodcast, aux côtés de son compère Adrien Méniel. Et donc ouais, article où je parle du podcast, sachant qu'on parle du fait que ça ne rapporte aucun argent. Il y a écrit Floodcast ne rapporte pas un centime. L'esprit radio libre. Pas un centime. Et parle un peu de nos activités. Et maman, il fait le podcast du jeune homme de 28 ans, originaire d'Autun, est aujourd'hui classé sur Apple Podcast 12e émission du mois. Alors c'est un peu changeant. Hein, ils ça disent dépend. Qu'on nique Laurent Gérard ou pas. Ouais, ils disent derrière des poids lourds de vraies radios comme Les Grosses Têtes ou Les Chroniques de Laurent Gérard. Alors on est devant Laurent. Ouais. On est devant Laurent. Doucement les fake news. On est devant Laurent Gérard, d'accord. Un jour peut-être ça paiera. On verra ce qu'on verra. Nous, on aime Paiera et nique ce bâtard de Laurent Gérard. Voilà, ce sont des paroles de triptyque. Parce que je représente le vrai pop. On le rappelle, Et à un moment, il y a un petit encart, où je parle d'Autun. Qui m'a valu de me faire engueuler par toute ma famille parce que, bon, alors j'en ai parlé avec le plus de sincérité possible. T'as dit, tous ceux qui sont restés habiter là-bas sont des gogoles. Donc effectivement, je comprends qu'ils étaient un petit peu remontés. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'effectivement, mon imagination et je pense mon style en tant qu'auteur et réalisateur venait de mon ennui que j'ai eu là-bas. Parce que quand tu t'ennuies, tu te tournes vers les arts et vers les trucs comme ça. Et aussi ils ont parlé du fait que j'avais raillé la ville d'Autun en parlant de ce bus et j'ai mis, et en gros mais c'est une vraie citation que j'ai pris, mais vraiment là comme ça c'est extrêmement violent, c'est Autun c'est une ville qui m'a forgé, au quotidien c'était l'ennui le plus total, il y a 10 ans la vie culturelle se résumait à l'espace culturel de Leclerc et au manège à la fin août, mais j'y ai aussi beaucoup de souvenirs heureux et j'aime y revenir pour voir ma famille. Mon imagination est née de mon ennui. Et donc du coup ça ma mère m'a dit le maire d'Autun a pu me faire la bise, hein, avec un article comme ça. Ça va être quelque chose. Donc voilà Ce que t'expliquais c'est juste si la vie te donne des citrons. Ouais. Tu fais de la citronnade, c'est juste ça que tu voulais exprimer. C'est ça que je voulais exprimer. Et c'était pas méchant pour Mais en vrai le maire d'Autun qui est un vrai geek, un vrai geek, pas juste un geek, c'est un vrai geek. Hacker ton téléphone. Waouh. A quand même partagé le pleine page dans le journal de Saône-et-Loire. Il m'a dit, il a écrit pleine page aujourd'hui dans le @lejsl sous la plume de @monsieur Bay, donc qui est le journaliste qui a fait l'article, monsieur qui m'a Seri, contacté hélas. Pour @monsieur Flaubert, le podcasteur autunois, l'auteur là aussi un peu comme Pierre multicasquette du hashtag Floodcast, le @Orelsan radiophonique du Morvan. Bon, wow. il a fait un AVC. Emoji qui applaudit, qui est un signe de, je crois, suprémaciste juif. C'est encore autre chose. Voilà. Donc voilà, Vincent Chauvet qui fait plein de tweets. Donc on l'embrasse très très fort. Bah, merci. Et gap à toi. Et je tiens quand même à dire, si les auditeurs, parce que voilà, maintenant on remplit des Bataclans. Donc moi, dans mon dos en tout cas. J'avais un dos assez plat. Assez légèrement. Bah, là, je vois une petite. Alors en tout cas, moi je le sens, je sais pas si vous voyez. Le t-shirt est un peu. Il y a une grosseur du coup. Ouais. Je me sens un peu pousser des ailes. Complètement. Et donc, si la ville d'Autun concède à effectivement nommer une rue selon mon nom, qu'elle n'hésite pas. Et n'hésitez pas à envoyer plein de tweets à Vincent Chauvet, c'est ça j'ai oublié. Oui, Chauvet. Pour que. Non, mais un espace culturel, ce serait bien. Un espace culturel. Un espace culturel Florent Bernard. Voilà, moi j'y crois. Une MJC. Un Cinoche, putain, ce serait pas mal ça. Putain, toi t'adores le Cinoche. Mais surtout qu'en plus, ils n'ont pas parlé dans l'article, mais le cinéma Arletty. Alors là, j'en place un spécial. En plus, Arletty, tout le monde s'en branle. C'est un dessin animé de. Atmosphère. Bah, moi aussi, je peux le dire. Ouais, ouais. L'atmosphère, il est pollué alors qu'il est. Wow, parce que la Amazonie brûle. Oui, c'est et vrai. Personne n'en parle. Bon, bref, et c'était un super cinéma. Et j'embrasse tous les gens qui tiennent ce cinéma parce qu'ils avaient les films de. J'ai vu Shaun of the Dead en salle, ce qui est fou pour une ville en comme Autun. En VO En VO, c'est très. Bravo. Et non, c'était il existe toujours ce cinéma. Ils ont plein de salles et c'est une bête de cinéma. Donc parce qu'à Saint-Germain-en-Laye, ma ville de Bourges, fallait y aller pour trouver des films en VO à l'époque. Bah, gros big up au cinéma Arletty d'Autun. Voilà. Futur cinéma. Florent Bernard. Envoyez énormément de tweets à Vincent Chauvet, voilà. Je vous en supplie. Saint-Germain-en-Laye, si vous voulez nommer un truc d'après moi, si je veux. Saint-Germain-en-Laye, ouais, mais il y a déjà des restas de ouf à Saint-Germain-en-Laye, non? Il y a Albert Dupontel qui est né là-bas, donc peut-être ça va être lui. Moi j'en profite parce qu'on a son père, hein. C'est pour ça que je parle beaucoup d'Autun. C'est moi mon mini-espoir. Après, si nous, moi j'ai Romano, le pote de Difool, vient d'Autun également. Oh, bah dis-donc. Ouais, comme quoi. Et Cartman. Cartman. Je sais pas, j'en rentre. Avant de passer au suite, j'ai une histoire d'auditeur. Il y a un auditeur qui m'a envoyé une anecdote qui va être fausse encore comme la dernière fois. une légende urbaine qui serait appropriée. Alors tu crois pas si bien dire parce que ça parle aussi d'un truc que t'adores, Pierre. Moi, et je suis vraiment désolé, ça parle un peu de caca. D'accord, pas de soucis. Je vais essayer de le casser un peu en mettant une petite musique. Mais d'accord. C'est une très belle anecdote que je vous partage. Ok. peu. L'année dernière, je pars en vacances avec ma petite famille, une pote et mes gamins. 7 heures de route pour arriver en Italie. À une demi-heure de l'arrivée, mon ventre me travaille. Entre parenthèses, des glouglous. Mais gentiment, ça m'arrive très régulièrement et je sais quand c'est fatal ou pas. Là, je gère. Je gère pendant 25 minutes en fait. À 3 km de l'arrivée, un grand gîte. La situation se tend. Je sens la fatalité se pointer par mon cul. C'est BHL qui nous l'a envoyé. Je transpire, je serre les miches, je jure et je prie. Parce que je me connais et là, ça sent la défaite. Entre parenthèses, et pas que la défaite. Je pense qu'il parle de la merde. D'habitude, je m'arrête en... D'habitude, je m'arrête en random. Comment ? En random. D'habitude, je m'arrête en random sur la route. Hop, dans les fourrés, on n'en parle plus. Mais là, on est parti à deux voitures avec une amie et gamin dans la voiture. Et là, je suis obligé. Je plante tout le monde. J'ai pas le temps de faire 100 mètres pour me trouver un coin tranquille que j'explose dans mon short. Oh merde. C'est là que j'aime bien. Une merde bien solide m'aide à contenir les litres de merde liquide qui suivent. J'utilise cette merde solide pour faire barrage. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me retrouve en bord de route à fouiller dans la valise pour trouver un autre short. Je suis à poil aux yeux de tous. Mais là, j'en avais rien à foutre. J'avais quand même ouvert les portes de la voiture pour me planquer un peu. Je balance mon caleçon, il atterrit dans le jardin d'un mec à côté. J'hésite, mais j'éponge la merde qui a coulé le long de mes jambes et dans mes chaussettes. Oh non! Je rejoins ma famille et ma pote, l'air de rien, et je me tape la visite du gîte, encore transpirant, les mollets encore marqués, suivis par une légère odeur que je mets sur le dos de mon plus petit. Entre parenthèses, c'est toi qui pètes ? Point d'interrogation. C'était la pire expérience de caca de ma vie. Longue vie au Floodcast. Et j'espère vous voir à Lyon. PS, c'était moi, le mec qui s'était fait ouvrir les hémorroïdes dans un autre épisode. Le twist à la Shyamalan à la fin. Non, c'était moi. Depuis le début. Scooby-Doo. C'était lui depuis le début. Bah, donc, en merci quoi beaucoup. Il s'est chié dessus, voilà, ouais. En quoi c'est drôle. Plus que. Le mec vénère. J'ai bien écrit, mais. Oui, c'est bien écrit, mais voilà. C'est pas parce que Lucchini parle de merde que c'est forcément mieux, quoi. Bah, et bah justement, si, mon gars. La merde qui coule. Voilà, c'était les amis, il y a les questions des auditeurs. Allez, parce que, go. Voilà, ils ont plein de questions. Let's go. Pierre Lapin. Waouh, ligue du LOL. Alors, vraiment. Non, pas du tout. Ok. Non, il y a eu vraiment aucune question à ce sujet, je te rassure. Pierre Lapin, est-ce que tu pourrais nous parler de ton point de vue sur les actions comme le Téléthon, ce que tu as mis en place depuis quelques mois en gaming, Téléthon gaming pardon, ou encore le The Event? À ton avis, est-ce que tu penses que les associations caritatives ont un bel espoir, enfin ont une belle vie devant eux via le gaming, Twitch et compagnie? Je pense que le gaming peut apporter ça, même au-delà de The Event ou Téléthon. Oui, en règle générale, oui, bien sûr. Il y a d'autres. Genre là pour la run. Hein. Non, mais c'est très bien, il en faut un maximum. Et on voit surtout avec la GDQ, qui est un truc deux fois par an, qui est c'est du speedrun en fait. D'accord. Du jeu vidéo fait très rapidement. Et ça récolte des 1 million, 2 millions, et c'est incroyable. Mais en même temps, ça brasse tellement de thunes, même vu que la thune sur Twitch, bah, c'est omniprésent en fait. Vu que c'est souvent. Enfin, c'est dans le modèle économique, tu donnes de l'argent à ton créateur favori. Donc. Je pense que les gens sont ouverts à donner un maximum de thunes. Oui, c'est ça, c'est un peu dans leur, quotidien coutume, de... Us et coutumes. Oui, c'est ça, ouais, c'est-à-dire voilà. Que ça fait partie du game du truc, donc du coup, que ça soit une association ou au créateur, ça change pas grand-chose, quoi. Ah ouais, donc c'est pour ça, donc je pense que vraiment, ça peut aussi changer aussi... Bah, la vieille télé à papa. Enfin, moi, je voulais surtout créer le Téléthon parce que moi, je m'y reconnaissais pas, enfin, je m'identifiais pas. Moi, Téléthon, avant, c'était Noël pour moi, tu vois. Et là, je trouve ça un peu vieux. Je voyais toujours les mêmes têtes. Un peu les mêmes têtes. Je me sentais pas représenté aussi, moi, myopathe. On voit souvent les mêmes choses, un peu misérabiliste, tout ça. Même s'il y a des choses qui ont un peu évolué, donc ça me touchait pas. Donc j'ai voulu apporter un truc à la cool et aussi aborder d'autres sujets potentiellement qu'on verra jamais à la télé. Donc tu vois, je voulais parler de sexualité, enfin, juste le truc au quotidien, comment tu vis la myopathie et montrer d'autres profils, quoi. Bah trop bien. Donc voilà, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Maintenant on verra cette année. Sinon voilà, retrouvez-moi sur twitch.tv/perlapin. Je pense que je ferai ça certainement dans mon coin. On a oui, on a un dé. Bah, on viendra. Et nous on viendra quand même. On bah ouais, ouais, ouais, ouais, sait, ouais, nous, ouais, on ouais. arrive. Hein. On va faire Téléthon Gaming X Floodcast. Wow. Mais voilà. Mais complètement, on l'avait déjà fait. Adrien, j'ai l'impression que tu travailles beaucoup sur des gros projets en ce moment, notamment des séries, peut-être une que vous allez bipper. Est-ce que réaliser des sketchs sur YouTube vous manque? Ouais, un peu, ouais. Ouais, ouais, ça me manque un peu parce qu'il y a le côté justement moins. Ça te. Comment dire, ça te. C'est plus immédiat déjà. Non, non, mais oui, y a pas, ça t'accapare pendant des mois, quoi. C'est un truc, voilà, tu fais ça, tu peux en une semaine écrire, réaliser, monter, terminer le truc, quoi, tu vois. Et non, puis c'est. Moi, ça reste le sketch, un format que j'adore, en fait, quoi. C'est. Enfin. Il y a des sketchs encore que je cite, moi, pas des sketchs de nous, hein, mais je parle des. Il y a encore des sketchs que j'ai adoré et que je cite. Au quotidien, enfin, c'est un format qui est vraiment drôle, quoi, et qui me, ça me manque de, ça me manque un peu d'en faire, mais là, je vois pas trop où je pourrais. Donc. Et puis même sur YouTube, j'ai l'impression que même ceux qui font du sketch, pensez au Monde à l'envers, des gens comme ça, ça, le format 4 minutes et tout, ça existe plus trop, quoi. Maintenant, c'est, ça, non, d'un non, coup, non. ça prend du temps, faut que ça dure 10 minutes et tout. Enfin, faux. J'en sais rien, mais j'ai l'impression que le peu de sketch que je vois sur Internet, ce qui est déjà beaucoup plus rare. Il faut de la thune, hein, 10 minutes et plus, hein, maintenant. Ouais, c'est bah, terrible. C'est, hein, ouais. C'est non, mais l'argent. Moi, j'aimerais. Quand j'ai vu I Think You Should Leave là, sur Netflix, ouais, le sketch show, je me disais ce serait le rêve de faire ouais. ça, quoi. Un sketch show bah, sur Netflix, ce serait vraiment génial. Mais bon, je pense qu'on n'est pas. On a quand même moins la culture du sketch show en France. On essaye, hein, de temps en temps, mais ça forge souvent. Avec la bucket. Non, non, ça c'était sur YouTube, mais ah. je parle de sketch show à la télé et tout. Il y a ah ouais. eu plusieurs tentatives oui, et c'est toujours comme... difficile, quoi. Mais bah, ça serait le rêve. Show, ça fonctionne. Oui, le Palma Show, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça, mais. Il ouais, y a Hanouna qui avait fait. Il y a eu plein de gens. Ouais. Ce serait le rêve de faire lance un truc comme ça, quoi. Mais pas forcément sur Internet. Enfin, si d'ailleurs. Mais je m'en fous, mais. Oui, si, peu importe la plateforme, j'en ai faudrait que ce soit sur Internet, quand même, d'une façon ou d'une autre. Quoi. Pierre, est-ce que tu aimerais relancer une émission ou des contenus réguliers autour de la culture web? Grave. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça me manque depuis. Les mêmes par exemple, les mêmes les mêmes, j'adore ça, vraiment. Au quotidien, bah, j'en consomme, mais j'en crée aussi. Ah ouais? Donc, ce qui fait que de moi, un même lord, en fait. Ah, tu es un même lord? Ah, voilà. Un même lord. Oh, bah, d'accord. Ouais, ouais, donc je me réapproprie les codes. Mais Gusta. Bah ça je connais, ça c'est les Rage Face, bah, qui est apparu bah, 2013-2012. Moi je suis en plein dedans là. Voilà, bref, bah oui, ça me manque de ouf. Et là je suis en pleine prépa, oui, grosse exclu. En fait là j'ai un projet qui arrive avec une taille conséquente. Un poids assez conséquent, ouais, en fait, ouais. Donc voilà, donc, on verra ça vite. Oui, oui, ça, bah, ça arrive, en fait. Ça arrive lourd ou bah, assez légèrement d'un poids assez conséquent, ouais, donc conséquent, c'est ça, ouais. Ça arrive lourd. Et ouais, donc un peu trouve la même... les thématiques, essayer de mettre mon petit grain de sel dans tout ça, parce que tu vois, j'ai envie d'être un peu le poil à gratter, parce que je trouve que ça suce trop la bite. Donc là j'ai envie de ah oui, t'as envie de tout casser là. Ah, j'ai envie de tout casser. Non, okay. Pas du tout, non, j'ai envie vraiment de beaucoup de bienveillance, faire de la reco, ça me plaît, j'aime de diguer Internet. Là je reprends toutes les veilles que je faisais avec le club, ouais. Mais non, j'ai juste envie de tailler le bout de gras, comme on dit. Et surtout je le fais un peu déjà sur Twitch avec les gens qui me suivent, et c'est vrai que j'aime bien un peu commenter la pub, ça m'intéresse. Enfin, Internet, ça me fascine. Enfin, j'ai envie de faire des trucs oh, avec c'est ça. Un peu un rapport amour-haine, non? Bah ouais, ouais, complètement. Même si là vraiment j'ai beaucoup parlé de hate watching et tout ça, là c'est vrai que je suis un peu ouais. Je suis un peu plus dans le côté bright de la force, comme disent les jeunes. Oui, ils sont bien. On va faire les recos après. Tu vas pouvoir nous sur ton moment préféré. Non. Donc voilà, oui. Donc j'espère arriver avec un format plutôt cool. J'ai un endroit pour le faire. J'ai tout organisé pour. Il manque juste les assets visuels pour être fier un de tout ça. Un truc à toi. Bah tout seul. Adrien, la fiche du Floodcast live que tu as faite est exceptionnelle. Ouais. Merci. Pourrais-tu dessiner des pochettes de tous les futurs épisodes? C'est beaucoup de travail, donc oui. Non. Sans doute pas. Mais aimerais-tu que serait-il possible de l'envoyer aux auditeurs ou peut-être de le commercialiser via des posters? Alors, ça n'a pas moi été... je pourquoi pas, pourquoi pas. Ce sera chouette, ça pourrait être chouette, pourquoi pas. Il n'en est pas question pour le moment, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas, ouais, ouais, ça pourrait. Si, pourquoi si, pas. Si la demande est grande, bah oui, bah, et puis, pourquoi pas à la souvenir. Et puis ça peut apporter de la grosse moula, bah, c'est un mème ce que je viens de faire, donc c'est pour juste juste pour vous dire que je connais internet, donc d'accord, n'hésitez okay, pas. Ouais, voilà. Bah, j'ai hâte de voir ton émission. Yes. On me pose une question sur Pitch, donc je réponds parce que c'est Pitch, la rentrée, ah, de Pitch, la série de Twitch. Oui, Twitch, c'est Twitch, ouais, retrouvez-moi sur Twitch. Ouais. Pitch, l'émission, le programme court, le programme court de Baptiste Le Caplain. On me demande combien d'épisodes sont prévus, donc il y en a une vingtaine qui arrivent lourd. Ouais. Quelle est la part d'impro par rapport au scénario? Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça. Sachez-le, justement. C'est assez écrit. Ah, t'as lu, c'est Baptiste Le Caplain. Bah, pas, je l'ai vu en fait nul, ouais, mais j'ai vu où t'allais. Et du coup, ça va. En fait, c'est sur la. Il est très percussif, donc je l'ai pas fait en plus. Il, est... il parle très comme ça, quoi. C'est exactement ça. Bah, ouais! Des fois, il y a ça. Comment expliques-tu que depuis le début de diffusion de Pitch, Copy Comic n'a posté aucune vidéo? Non, il n'est pas Copy Comic. Il n'est pas Copy Comic pour la simple et bonne raison j'ai entendu sa voix et que je sais qui c'est. C'est fou. Méniel. Excusez-moi. Non, mais. On avait dit qu'on. Non, bah non, mais je me suis trompé. Avant le Bataclan, on en parlait pas, quoi. Non, mais écoute, c'est bon, c'est rempli. Pour les gens qui n'ont pas réussi, d'ailleurs, tu parles du Bataclan, pour les gens qui n'ont pas réussi à avoir de place pour le show en direct, ce dernier sera-t-il capté audio et ou vidéo? Ah, oui. Et diffusé plateforme de podcast et ou chaîne YouTube? Alors, je vais répondre. Non. Non, il sera clairement pas diffusé en direct parce que c'est en fait c'est très chiant à organiser. Et puis ça n'a jamais été Floodcast en fait. Faut payer en fait. Voilà, exactement. Et ce ne sera pas non plus filmé. En tout cas, l'émission entière ne sera pas disponible a posteriori. A posteriori. Ouais, bah après j'aime pas tu vois, découper bien les mots. Je comprends. A posteriori, ce sera pas diffusé en entier sur YouTube. Il est possible que je mette peut-être des petits extraits. Si jamais, imaginons qu'on ait envie de faire d'autres lives, ce serait cool de faire une petite bande-annonce avec à quoi ça peut ressembler sur scène. En revanche, le podcast sera disponible en audio. Bah, bien sûr. Alors pas tout de suite après, mais un peu plus tard, ce sera possible effectivement. Ce sera un floodcast, hein, quoi qu'il arrive. Ce sera un floodcast particulier parce qu'il y aura des petits événements sur scène, peut-être un peu de musique, un peu des trucs un peu chouettes. Oui. On va pas trop en dire. Mais par contre, ça restera un floodcast. Donc voilà, sachez-le, ce ne sera pas disponible en vidéo après. On aura qu'à mettre un iPhone 11 Pro qui filme en même temps le public et nous. Parce que c'est une des fonctions, vous avez vu ça? T'es Apple addict pour c'est moi. Un truc de... L'iPhone, beaucoup de caméras ou je rêve? Attends, c'est une gazinière le truc? J'ai l'impression. C'est des plaques On pourrait s'acheter une voiture à la place d'un iPhone en fait. Enfin, vu le prix conséquent. Je vais aller à l'Apple Store, je vais leur donner de l'argent ou un organe? Plutôt un organe, je trouve. Voilà, bah je crois qu'on a commenté sur l'iPhone, voilà. Balkany en prison, on n'a rien dit, mais plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Plutôt cool. Même si en quel plaisir. Mais en vrai, Balkany, il faut savoir qu'il a fait appel et qu'il ira sans doute jamais en prison, comme tous les blancs riches politiciens. Il ne foutra sans doute pas un pied. Et on a vu que d'ores et déjà, que si jamais il va en prison, il sera à l'étage où il y a genre les anciens flics et les personnalités un peu délicates, c'est-à-dire qu'ils sont 12 et. Puis ils ont Fortnite, donc. Et un violeur d'enfants quand même, histoire de. Non, pour déconner. Non, mais ils sont 12 et ils prennent pas leur pause en même temps que les autres détenus, donc c'est plutôt. Ça va. C'est plutôt un traitement de faveur. Oui, parce que lui en prison, je pense qu'il se fait péter la gueule en une seconde et demie à peu près. Ah, oui, mais. Après, je pense qu'il a le bras. C'est long, tu vois. Oui. Je pense que c'est un petit mafieux, tu vois, je pense que. Bah, bien sûr. Je vous rappelle qu'il est gravement malade et qu'il perd la tête, donc un peu c'est de respect. Vrai, vrai. Et sa femme a voulu suicider aussi. Voilà, rappelons-le. Du coup, elle reprend la mairie de Levallois. Voilà, par intérim. Tout est logique. Est-ce qu'il y aura d'autres. Excusez-moi, on vient de mettre un énorme coup de pied dans l'habitat d'un insecte. Ouais, hein. Du coup, une guêpe Non, un insecte plutôt. Enfin, qui volerait pas. Bah, une enfin, qui peut voler d'ailleurs. Une fourmi volante Termite. Une fourmi volante Bah, justement, pas volante. Une fourmi. Bah, une fourmilière, est-ce qu'il y aura d'autres floodcasts en live? Je n'ai pas réussi à avoir ma place et ma déception n'a d'égal que mon amour pour votre émission. Merci beaucoup. Écoute, Moi je possède un véhicule, on peut faire une tournée. Bah alors ce serait notre rêve. Franchement, mais je pense après, idéalement, qu'on nous paye aussi le train, ça serait bien. Oui, mais, voilà. Non, mais vraiment, ça serait trop bien de faire non, une ou tournée. Ou alors qu'on fasse peut-être les billets un poil plus cher pour qu'on paye le train nous-mêmes. Enfin, voilà. Tu vois, il n'y a pas de galère. Non, mais parce qu'en fait, bien. Là, le truc pour être complètement. transparent. Donc, okay. Quand on dit ça, souvent, c'est qu'on vous cache des choses. Oui. Mais on va vous dire quand même quelques trucs. C'est que là, le Bataclan les place. Alors, on peut penser ce qu'on veut des prix, mais en vérité, par rapport au marché de la billetterie, ils ne sont pas chers du tout. Puisque l'idée, c'était déjà de le remplir. Et de deux, on va pas se faire vraiment de l'argent sur cette émission. En vérité, c'est vraiment tout petit. La salle, c'est quand même une salle mythique, donc elle coûte cher. Il faut qu'on paye l'équipe technique, il faut qu'on paye. Voilà, j'ai l'impression le photographe. Le photographe qui nous prend quand même pas mal de thunes. Ouais. Hein, donc, voilà. Non, mais je veux dire, j'ai l'impression de faire une vidéo YouTube qui explique pourquoi il y a de la pub. Non, Pierre, si tu connais des photographes, n'hésite pas. Non, mais en plus, on n'est pas sponsor, c'est vraiment une prod indé qu'on fait avec Antoine de 2 heures de perdu à qui Antoine je fais des gros bisous. Bravo, mais du coup, les banderoles NordVPN que t'as chez toi là, il y en a aucune. Okay. Non, mais voilà, donc c'est vraiment full indé. Mais après, pourquoi pas à l'avenir, effectivement, si on veut faire une tournée et tout, on fera en sorte en fait que le prix du billet soit toujours nous permettre de nous rembourser. L'idée, c'est de pas perdre d'argent. Donc après, pourquoi pas faire une tournée et en plus, pas forcément ne pas obligé de faire tout le temps des salles de 1000 places. Oui, bah, carrément. Moi, je trouverais ça trop cool de le faire soit dans des petits bars, des petites salles de spectacle en tout cas, des trucs un peu à la cool. Ah bah, ça sera trop bien. Mais on verra comment ça se passe. Voilà, on va voir déjà comment se passe le live au Bataclan. Potentiellement, on fera peut-être d'autres dates à Paris aussi, parce que en fait, on fait des blagues depuis le début, mais on l'a rempli assez vite par rapport à ce qu'on imagine, ce que moi j'imaginais. On fait des blagues, mais en vrai, c'est pas de la fausse modestie. Je pensais vraiment qu'on mettrait plus de temps. J'avais espoir qu'on remplisse, pour être tout à fait sincère, mais je pensais vraiment qu'on prendrait plus de temps. Je confirme. Il était tout mignon. Je m'inquiétais quoi. Et donc du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je reçois plein de messages de gens qui disent j'ai pas eu mes places. Donc je me dis, si on en refaisait un, on pourrait potentiellement re-remplir une salle de spectacle. Donc peut-être il y en aura d'autres. On va voir comment se passe le premier. Le truc dont je suis très fier avec Adrien, c'est que on n'a pas annoncé les invités, on n'a pas annoncé ce qui allait se passer dessus, et j'aimerais bien garder cette surprise. En fait, dans mon petit plan de com dans ma tête, c'était on remplira sûrement pas que avec notre nom. Donc si jamais on n'est pas plein, j'annoncerai les noms et on profitera de la communauté des invités, machin et tout. On n'a même pas eu besoin de faire ça, et c'est trop bien parce que tous les gens qui ont eu leur place vont avoir des surprises sur scène, et moi ça me régale quoi. Donc ça c'est trop cool. Donc oui, effectivement, d'autres dates à Paris, on a envie, et c'est ce qui a le plus de chances d'arriver, disons. Et une tournée en France, je sais pas comment ça s'organise, mais on aimerait trop. Mais au même titre que Jean-Marie Bigard, le but c'est de bourrer des salles, c'est ça? On va bourrer un maximum de salles. Okay, ouais. Et à la manière de Dieudonné, pourquoi pas jouer dans un bus? Ok, ouais, d'accord. Ouais, okay. C'est nos deux rêves. Ok, d'accord. Un tour bus. Et nier l'existence des camps de concentration. Ouais, ouais. On fera peut-être les deux en même temps. Ça va avec. Voilà. Est-ce que vous stressez pour le live ou est-ce que la pression vous la buvez? Après, moi, c'est juste mettre un objectif. Un caillou d'ailleurs. Toi, tu dis un caillou sur mon. On stresse. Oui, un peu quand même. Toi non, t'es détente? Moi je vais stresser juste avant, mais là non. Parce que c'est... Et aussi je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, donc c'est peut-être aussi pour ça. C'est peut-être pour ça. Parce qu'il faut que je te dise un truc, faut que tu jongles à un moment, mais je te dirai. Ah ouais. Mais un peu stressé. En fait, le fait que ce soit rempli assez vite, bizarrement moi me rassure, puisque je me dis c'est des gens qui connaissent le délire, qui adhèrent au délire, et donc du coup. Délires géniaux d'ailleurs. Des délires qui sont assez géniaux. Et donc du coup ça me rassure quoi, parce que si on avait dû compter sur par exemple le public des invités, je me serais dit oh putain ça se trouve ils vont pas savoir où est-ce qu'ils vont se trouver et tout, mais c'est quand même du stress parce qu'on va faire un spectacle devant 1000 personnes, donc c'est quand même un peu fou. Mais ouais, mais bon voilà, mais l'histoire est belle, moi je suis trop content parce que je crois que je l'ai déjà raconté, mais sans m'étendre pendant des heures, mais à la base moi je voulais le faire produire Floodcast il y a 5 ans avec Golden Moustache qui n'a pas cru au format podcast du pif. Toujours visionnaire. du pif non mais après voilà, qui pouvait savoir, et aujourd'hui moi j'avais dit à l'époque, j'avais dit ça cartonne aux États-Unis, ça va venir en France, et du coup moi je me suis pas ruiné parce que je gagnais déjà ma vie, mais j'ai dépensé de ma poche beaucoup pour du matos qui en fait coûte cher pour faire ça. Je me souviens avec McFly on est allé à Clichy aller dans le vendeur de micros et tout, donc c'était dans le vendeur okay. Exactement. C'est violent, et donc, quand même. Donc voilà, et je suis trop content qu'aujourd'hui ça aille vers le remplir des salles toujours en full indé, sans avoir cédé aux sirènes des comme networks. PNL finalement on est le PNL du podcast. Putain, donc voilà, on est trop content là-dessus. T'es NOS toi ou ADEMO du coup? Je suis ODD. Je connais et les noms pas des gars. OGG ça. Donc voilà, on va pas vous parler du Bataclan à chaque numéro. Bon voilà. Et pas mal, non? Oui. Bon voilà. Bon voilà, crac crac. Je voilà. Je suis. c'était Chris Tomei. Ah bon voilà, Zizi du Sling. Ouais, toi, voilà toi. T'étais où? Ah, mais t'es pas couché à ce temps-là. Mais oui, c'est... Ah, je suis revenu. Ah putain. Donc les petits trocos, les petits trocos maintenant. Mais c'est quand que je pète avec ma bite du coup? Bah quand tu veux, n'hésite pas. Vas-y, go. Non, parce que moi je voulais. Enfin, non, quoi. On vise un paix par émission. Bah, on peut le faire en outro quand si tu voulez. Veux, quand tu veux. Comme le procès. Comme le quand tu veux. Je t'aime. Salut. Bien audible en tout cas cette émission. Ouais. Adrien, ta recommandation pour le public. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait en plus. Bien sûr. Le petit regard. Non, si en ce moment je regarde une, avec ma compagne. Ouais. Ah, la débilos. Non, antisémite. je regarde une série qui s'appelle The Affair. Oh. L'affaire et, en français. Oui. Ouais, l'affaire Louis Trio. C'est un docu en, sur l'affaire Louis Trio, c'est top. C'est très court. C'est court. Ça dure la durée de leur carrière. Les gens sont trop jeunes, non? Oui, bon, bien sûr. On s'en bat les couilles. Eh ben, cultivez-vous. Eh, l'onglet Google, il est à côté, hein. Ouais, cliquer, hein. Écoutez la vraie cette musique. Cette génération qui, là, internet, qui met pas en avant les bouquins. Alors, le lance pas parce qu'il y a ouais, Michel, tu penses quoi de la génération maintenant? Je vais. Ah, il y a tellement de haine. Par exemple, les portables, t'aimes bien? Le téléphone portable, je vais ça. Encore, il teste tout. C'est pas possible, ce type. Mais du coup, The Affair. Ouais. Bah, cette série, Michel, je sais pas si tu l'as vue, mais qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que t'en penses de cette série? J'aime pas ça. Ouais, il a pas. Ah, je pensais que t'allais dire je la hais, puisque ça aurait marché. Non, il aime pas ça. Et la peine de mort, Michel? Eh ben, je la trouve pas mal, moi. Ah, il est cohérent, en tout cas. Non, The Affair, bah, c'est dur de. C'est... D'en parler sans spoiler, c'est ça que tu vas dire? Waouh, et c'est non, sur Netflix justement, ou quoi? C'est pas sur Netflix. Ah. Donc peu de personnes du coup vont voir. Moi je regarde ça sur MyCanal, donc bon, c'est peut-être OCS, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est une chouette série qui me fait penser un peu à Six Feet Under parfois. Mais... Et dans le côté, plein de personnages avec des vies qui se croisent et machin, etc. C'est cool, c'est à la fois des histoires de relations entre les gens de la vie, quoi, mais il y a aussi des mystères, des enquêtes un peu parfois et tout. Enfin, c'est très, très chouette et c'est aussi un rythme vachement plus lent que ceux auxquels on est habitué dans les séries actuelles. Et c'est vachement bien et il y a un peu un mécanisme de narration qui est cool, c'est-à-dire que. En fait, l'épisode est divisé en deux parties à chaque fois, et c'est à chaque fois du point de vue d'un personnage. Et des fois, on revoit la même histoire, mais du point de vue de deux personnages. Et parfois, on revoit même les mêmes scènes, mais en fait, elles sont tournées différemment. En fait, c'est comme si tu demandais à quelqu'un, bah, raconte-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi ce qui s'est passé, et il te le raconte. Et en fait, les gens, selon leur mauvaise foi, selon les choses qu'ils ont envie de cacher, etc., vont le raconter d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que tu vois vraiment, ils changent des petits détails vraiment d'une version à l'autre et tout, et c'est vachement, vachement bien. Voilà. Pierre. The Affair, il y a 5 saisons. Ah oui, il y a du temps quand même. Et c'est des épisodes d'une heure, 10 épisodes par saison. Enfin, c'est du lourd. Allez. Bon voilà. Alors. Bon voilà. Oh ma biche. Bon voilà. Bon voilà ma biche. Oh. Bon Pierre Lopsa, qu'est-ce que tu vois? Écoute Flobit, je remets une pièce dans la machine. Euphoria, incroyable. Je suis traumatisé. Tout ça. Bref, incroyable. Zendaya, je t'aime. Sinon Netflix. Ah merde, désolé. Mais surtout, j'ai pas regardé de série, mais surtout des shows. Oui, Netflix, c'est bâtard, c'est trop bien, c'est incroyable. Et j'ai regardé Envers et Contre Tous, c'est juste Top Chef, mais avec des souffleurs de verre. Mais par contre, Envers et Contre Tous. Ouais, bah ça, c'est la version française. Ouais, non, mais pas mal. Hein. Pas si mal, pas si mal en vrai. Ouais. Et donc, c'est compétition de souffleurs de verre. Et c'est trop stressant parce que tu fais une erreur, bah ça casse et c'est trop stressant. Et j'ai continué avec ce genre de TV show avec Hyperdrive. Ah, de Charlize Theron là. Charlize Theron, incroyable. Et c'est vraiment Fast and Furious en vrai. Il y a vraiment un délire génial. Film d'années 90 où t'as toutes les nations en fait qui s'affrontent sur un truc. Enfin, c'est Street Fighter, mais c'est trop drôle. Donc tu t'attaches au personnage et c'est incroyable au niveau du budget et tout ça. Par contre, c'est pas très eco-friendly, donc je pense que c'est pas Greta friendly. Donc, voilà. Ouais. C'est vrai que vu que moi je déconstruis tout et je suis super woke et prêt. Ouais. j'ai mis un peu de distance par rapport au show là, mais quand tu poses le cerveau à côté de toi, bah c'est nickel quoi. Moi, okay. Moi j'allais dire que j'avais plutôt bien aimé le dernier show de Bill Burr. Ah, moi aussi vois, j'ai adoré. Et c'est très challengeant d'ailleurs pour les gens. J'ai hâte de le voir. Ouais. Le ah show bah de c'est potard à fond mec. Hein. C'est ça, c'est à dire que bon, il y va en provocation 2000. Ouais. Mais là où il me touche beaucoup. Déjà, il pose des questions. Enfin, il y a quand même ce truc que moi j'aime bien de l'humoriste qui est bon, je vais dire des trucs qui se disent pas, mais en même temps, on va en rire. Ça va être une discussion. Enfin, et, ouais. Et voilà, et ça ouvre un peu le truc. À côté de ça, il donne les clés de pourquoi il est comme ça. Ouais. Ce qu'il n'avait jamais c'est vraiment trop touchant. Fait. Ouais, c'est clair que toute la dernière partie, il parle de sa femme, ouais. Il parle de son chien. Et il y a tout un truc assez touchant. Et moi, j'avais beaucoup moins aimé son special d'avant. Ouais, pareil. Et là, celui-là, j'ai vraiment kiffé. Et puis, pourtant, il se remet en question justement un petit peu. Il y a de la remise en question, alors que les 10 premières minutes, tu dis vraiment ah ok, donc il a basculé full, ouais, c'est il est très vénère, ouais, c'est ça. Il dit tous les trucs qu'il faut pas dire entre guillemets, ouais. Ouais. Et en même temps, et en plus, des fois le public réagit pas. Le spectacle est enregistré en Angleterre, ce qui est assez intéressant aussi. Mm. Donc du coup, il fait alors quoi, qu'est-ce qu'il y a, bon, pourquoi vous rigolez pas, enfin, donc tout ça, c'est assez intéressant à regarder. Et voilà, et Bill Burr, je le trouve très sympathique. Moi, j'écoute son podcast. Je l'ai vu aussi j'ai vu un extrait du reportage de Yacine Bellous, qui a fait un reportage de stand-up. Il l'a rencontré. Et je sais pas, je trouve ce gars, pour moi, c'est un peu Clint Eastwood en stand-up. C'est-à-dire que je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Des fois, on n'est pas vraiment d'accord sur des trucs politiques. Mais il y a du talent. Et c'est jamais full extrême en fait. C'est sous un apparat full extrême. Mine de rien, la conversation est ouverte et je pense parler de Clint Eastwood. Bah, c'est comme dans la série de Crushing. Non, c'est il est dedans, il est trop bien dedans. Bill Burr, il est incroyable. Et il parle beaucoup de son travail d'ailleurs dedans. Oui, oui. Et en fait, c'est pareil. Ça me fait penser parce qu'à chaque fois, tu te dis, je suis pas complètement d'accord avec lui, mais en même temps tu dis oui, ok, tu vois, tu lui accordes des trucs et tout, donc il y a un côté je suis pas à 100% avec toi mais je suis quand même avec toi, du coup il y a un côté, c'est un peu le pont, tu vois, pour essayer de comprendre, et c'est très drôle, c'est très marrant, voilà, parce qu'il l'a sorti peu de temps après le special de Dave Chappelle. Ouais. Qui est un peu alors qui a une plus grosse carrière, qui est plus l'idole des gens et tout, et j'ai moins accroché au Dave Chappelle que au Bill Burr. Et le Dave Chappelle surtout. Pour le coup, Dave Chappelle, il est pas touchant du tout, quoi. Voilà, c'est ça. Il est ultra arrogant. Et c'est ça. Et faut aimer. Et c'est un style, enfin. Hein, oui, oui. Mais il y a un côté effectivement donneur de leçons sur les mêmes questions, ce qui fait que quand t'es pas d'accord, du coup, t'es vraiment pour le coup un peu en confrontation, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je me suis senti comme ça, parce que du coup, il part sur des trucs et je fais, je suis pas d'accord. Et vu qu'il. Mais après, il dit, vous êtes pas d'accord, niquez-vous. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Mais après, il a des sketchs très drôles. Oui, et tout. Non, mais... En fait, ce que j'ai trouvé un peu, c'est que derrière, en fait, si tu restes à la fin du special, il y a un Q&A de 20 minutes derrière. Et le Q&A, bon, clairement, je pense qu'il invente des. À un moment, il raconte un truc où il fait. Il a tout un sketch, parce qu'en fait, dans son special d'avant, il avait eu un problème avec les transgenres. Enfin, il faisait un sketch sur les personnes transgenres. Et ça a un peu trigger la communauté transgenre. Et du coup, il en reparle et il enfonce le clou, évidemment, tout ça. Et dans le Q&A, il raconte une histoire où il y a une personne transgenre qui est venue à son spectacle, qui rigolait plus fort que les autres et tout. Et je pense que c'est faux. Voilà, c'est pas vrai. C'est vraiment un truc où je pense qu'il dit. J'ai un ami, quoi. J'ai un ami trans. Je pense vraiment que c'est faux. C'est bien celui qui s'appelle Paper Tiger, le dernier Bill Burr, c'est ça. Ouais. Et c'est Stick and Bones, le Dave Chappelle. Mais qui est intéressant à regarder, hein, le Dave Chappelle, vraiment. Il est quand même très boring, fort. Non, mais... Il a tout un sketch sur quand il veut acheter une arme à feu, qui est très drôle. Enfin, il a quand même des trucs toujours très marrants. C'est un mec qui est trop fort sur scène. Mais effectivement, déjà, je crois qu'une des premières blagues, il dit je suis revenu parce que je suis le meilleur. Et faut aimer, quoi. C'est comme il y a du rock, il y a des groupes de rock. C'est l'ego trip, en fait. C'est ça, Liam Gallagher, il est pareil. T'accroches ou t'accroches pas. C'est ça. Donc voilà, Bill Burr, Paper Tiger, si vous voulez regarder, c'est assez cool. Moi, j'ai bien aimé. Mais vous arrêtez pas aux 5 premières minutes, hein, vraiment. Ouais, parce que si vous arrêtez aux 5 premières minutes, c'est très vénère. Juste, moi, du coup, j'en profite parce que ça m'a fait penser. Parce que c'est moi, du coup, ça fait un moment que je suis pas là. Et puis aussi, quand je suis là, on zappe les recommandations. Non, il y a Neil Brennan, le mec qui a fait Three Mike. Il a un podcast. Avec Dave Chappelle. Voilà. Il a un podcast qui s'appelle How Neil Feel. Où, qui est très. Voilà, au moins le titre est clair. Et donc c'est lui avec une amie à lui qui s'appelle Bianca. Et il parle de plein de sujets, etc. Et en fait, ça m'y a fait penser parce que. en fait, il a un discours. Enfin, c'est pas du tout. Comment dire. Je pense que il serait. Tu dis ce qu'il dit sur Twitter, tu te fais défoncer. Ouais. Mais lui, là, c'est son podcast, donc il dit ce qu'il veut. Et en fait, il a juste. Enfin, il est féministe, il est plein de trucs comme ça. Mais il a parfois des discours qui sont un peu juste nuancés, en fait, ouais. sur certains sujets. Ce qui est. Plus, enfin, c'est difficile parfois d'avoir des discours nuancés parce que on est dans des. En tout cas, l'époque actuelle fait souvent que t'es dans un camp ou dans l'autre. Ouais. Si tu veux, autour de la table, il y a un gars qui a un avis sur l'époque actuelle et le lance pas. Ouais. non, mais je veux dire, c'est juste que là, voilà. C'est plus difficile. Les événements et tout ça et l'ambiance actuelle fait que t'es souvent dans un camp ou dans l'autre. Ouais. Et les deux, d'ailleurs, pas lui, la meuf aussi, ils ont des propos qui sont un peu nuancés parfois et du coup c'est assez intéressant en plus d'être drôle et tout ça quoi. Donc How Neil Feel, voilà. En aussi, fait si vous le suivez sur Insta, c'est ça les vidéos qu'on voit parfois où il est en train de parler avec une meuf, bah, c'est des extraits de son podcast, voilà. Okay. Ouais, et puis c'est aussi le travail de l'artiste de proposer ce genre de choses, voilà, c'est toujours très cool, moi j'aime bien de nous confronter. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est ça, pareil, je suis pas toujours d'accord avec lui mais oui, des voilà. fois je me dis ah je suis d'accord avec lui et c'est pas des discours qu'on entend souvent. Pas obligé d'être d'accord avec 100% des trucs voilà. des artistes aussi. Ou des gens. Voilà. Merci les amis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Toi, c'est sur Twitch, Pierre Lapin. Bah, essentiellement sur Twitch. Et puis petite émission qui va arriver YouTube sur la chaîne Monsieur Pierre Lapin. Pire idée pour le référencement, mais c'est la chaîne que j'ai créée. C'est ça. Mais suivez-moi sur Twitter. Écoutez, parce que je suis même Lord. Ouais. Déjà, et comme ça vous suivez toutes mes petites actus et. Et voilà, j'avais participé aussi avec le programme de Cyprien là, à la rentrée. Attends, le dire. Bah ouais, je crois. Ok, d'accord, bon bah très bien. Enfin, je veux dire, il a déjà ses émissions, il existe déjà. Et on va se tester. Oui, c'est 300 000 vues, ouais. Jamais ouais. vu. Je, que... voilà. et je ne suis pas la 300 Twitter. Tu n'es pas la 302ème. Bah non, ça fait des millions. Ça fait des millions de vues. Je suis pas au courant. Ah, mais oui, c'est le truc où il y a deux invités. C'est ça, exactement. Et Adrien, tu rentres bientôt en tournage? Oui. Pour une série. Voilà, pour une série que j'ai. Voilà, Tu dis le titre sur Instagram, si jamais les gens veulent sur Instagram. Exact. Parfois, tu fais des stories, tu hurles le titre de cette série. Voilà, donc, mais. Bientôt le bec. Voilà, bientôt le bec. Ah, t'es fou ou quoi? Ah, ok. Non, voilà, d'ailleurs, je voulais reprendre la personne tout à l'heure qui a posé la question qui dit que j'ai l'air de bosser souvent sur des gros projets. Pas tellement. pas souvent du tout. Et quant à moi, bah Peach, voilà, qui arrive lourd, non, qui est déjà arrivé d'ailleurs. Oui, qui va revenir lourd. Qui va revenir lourd. Et voilà, et des trucs pareils, ça bosse voilà, dans l'ombre tranquillement. Voilà. On monte les choses. Merci les amis, je fais des bisous. Ciao. Bye. Dans un voyage en absurdie. Que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications. Ce qu'elles ont voulu maintenant elles l'ont. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chats à fouetter. De conseils d'administration, de longs dîners en réunion. Passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Elles rentrent épuisées tous les soirs. La télé elles veulent plus la voir. À peine la coupe d'un magazine et un cachet qui les assassine. Elle n'y pense plus, juste un amant qu'elle ne revoit plus. D'ailleurs c'est un acte manqué quand leur portable se met à vibrer. Pour la nostalgie d'autrefois, faudrait du temps, elles n'en ont pas. Elles y reviendront évidemment, avec le premier cheveu blanc. 30 années se sont écoulées, ont-elles perdu ce qu'elles ont gagné? Elles étaient femmes en 80, des femmes jusqu'au bout des seins. Question salaire, ça ne va pas mieux, celui d'un homme coupé en deux. On les enfume de parité, mais qui promet l'égalité? Femme, être une femme, femme, être une femme, d'être Je sais que beaucoup en ont marre, mais il n'est pas encore trop tard. Il suffit de retrouver l'adresse du type gâché dans leur jeunesse. Un homme gentil qu'elles ont laissé au bord des occasions manquées. Refaire sa vie et pourquoi pas être une femme et belle à la fois. L'amour d'automne c'est encore mieux, laisser un homme faire ce qu'il veut. Et puis s'endormir contre lui, jeter les dossiers aux ordis. Se dire qu'au fond ce sont des femmes, et mon Dieu ce n'est pas un drame. Femme de n'importe quelle année, femme pour aimer se faire aimer.